Bonjour, direct 9 août 2025. Je vais attendre que les gens arrivent. Donc, le direct, il va peut-être pas être très long parce que j'ai une grippe. Ça fait longtemps que j'avais pas eu la grippe. Ça doit faire plus de 6 ans. Mais bon. Il faut bien l'avoir de temps en temps. J'ai peut-être été. J'ai peut-être pas mangé bien dernièrement, ni dormi comme il faut. Un petit peu trop occupé. Comme beaucoup de monde, j'imagine. Donc, le système immunitaire, des fois, j'ai peut-être un petit peu ambitionné. Je me suis peut-être surmené un peu. Donc, c'est ça qui arrive des fois. Bonjour, LP, bonjour à vous. Vous avez changé de. Vous aviez un autre nom de profil avant? Je vois que vous êtes classé comme dans mes auditeurs les plus importants, non? Ah ben. Excusez-moi, là. Donc, est-ce qu'il y a des sujets? Est-ce que vous avez des sujets? J'avais perdu la chaîne. Ah, OK. Bon matin, Estelle. Bon matin. Donc, oui. Pourquoi je dis oui? La rencontre Poutine-Trump prochainement, moi. Savez, c'est du spectacle, du théâtre d'été. Encore. On s'en fout. Prenez Kim Jong-un, il est allé rencontrer Kim Jong-un. Donald Trump, là, c'est un promoteur immobilier de New York qui a tout le temps été impressionné par la forme, dans le sens que quand il y a de sa propre forme, au point à ce point-là. Quand il est allé, il y a eu l'affaire avec Kim Jong-un, puis il était tellement en admiration devant Kim Jong-un, puis ça a été montré comme. C'est un peu pareil, Poutine, là. Hein? Le théâtre à ciel ouvert, ben oui, vous voyez ça comme des mondains qui se rencontrent dans des réceptions qu'on s'en fout puis que ça n'a pas de conséquences, tant que ça. C'est ça, dans le fond, Poutine y admire ces gens-là, il est impressionné. Moi, je considère qu'il est impressionné. On le voit par son défilé militaire, on dirait qu'il essaie d'imiter ce genre de régime-là. Puis il agit de plus en plus de cette façon-là. Il traitait Biden de dictateur, il traitait Obama de. Chialait que Biden, bon, les décrets, mais lui-même, il gouverne par décret. Puis, il est en train d'enterrer, il est en train de quasiment de gracier Ghislaine Maxwell, qui est une agente du Mossad, puis de la CIA, puis envoyer donc, c'est tout à fait logique. Tout ça est tout à fait logique, à moins que vous soyez dans un narratif qui n'a pas d'allure. Puis que, bon, là, vous allez vous rendre compte que c'est pas comme. Ou pas, je veux dire. Regardez, il y en a, ils s'enfoncent dans leur narratif. Donc, bonjour, Valérie. Donc, c'est ça quand même. C'est bien dommage, mais c'est parce que là, ça marche pas, là. Ça marche plus, là. Trump, de la façon qu'il agit, il est pas pantoute intelligent, là. C'est pas pantoute un génie. C'est un des présidents les plus. Il agit comme un. En tout cas, pour ce qu'on voit là officiellement, lui, il est à redécorer la Maison-Blanche. Et c'est ça, ses préoccupations. Les dorures dans la Maison-Blanche, dans le bureau ovale, mettre des chandeliers, mettre des tapis, là, mettre là, on va changer le. Quoi? C'est ça, drive de Swamp. Il va nous refaire, là, il va changer tapis et rideaux. C'est n'importe quoi, c'est du monde superficiel. On vit dans un monde où c'est le. C'est dynastique, c'est des dynasties, puis c'est des héritiers. Puis là, nous autres, on a affaire au fond de la dégénérescence. Bonjour, Ariane. Personnellement, là, qu'est-ce que vous voulez que. Je veux dire, il aime vraiment dire à des journalistes du New York Times, est-ce que je devrais mettre un chandelier là, remettre des dorures là? L'audience pour occuper les journalistes, c'est rideux. Mais non, il est vraiment en train de redécorer la Maison Blanche. C'est pas un président, c'est une ménagère qui est styliste. C'est n'importe quoi. Il s'attarde à des choses, des considérations qui sont pas importantes. Moi, la maison brune, je te redécorerais tout ça en colonial espagnol. Tiens, on va mettre ça brun avec des horloges au kiff. Tiens, tabarnette. Des hosties de bocs bavarois dégueulassement laid. Tant qu'à être cave, piquetaine, puis imbécile, à l'image de Trump, ben, faisons-le, je coupe. Que la maison blanche devienne la maison brune et orangée. Une horreur totale. C'en est déjà une. Beaucoup tombent dans le piège de Trump, parmi les éveillés. Ben, quels éveillés? C'est ça, là. Il est là, le piège. Vous pensez veiller, vous dormez. C'est officiel. Moi, je me définis ni comme éveillé, ni comme endormi. C'est quoi ça? Les éveillés. Cette gang de... C'est des enfants qui ont un besoin d'appartenance à une famille. Hein? Puis on peut se douter que dans le passé, il y a eu des chats. C'était pas solide, solide, hein? C'est pour ça que les sectes, ils font plein de cash. Le monde n'a pas de famille. Ils n'ont pas de vrais parents. Ils ont des contextes familiaux. Hein? En France, Macron est similaire. Il fait la bise à des gens bizarres lors de déplacements. Ben, vous savez, si vous faites la bise à Macron, vous êtes bizarre un peu. Donc, il n'y a pas le choix. C'est comme ça. C'est logique. On dirait une sorte de cirque géant. C'est ce que c'est. Veillez. Oui, ben, c'est quelque chose que je. Si vous polarisez la société en les catégorisant, les gens au sens d'une façon polarisée où il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de ton de gris, puis vous mettez bleu, ça dort, ça c'est éveillé, lui il dort, lui il est. Le mot est fort, ben c'est pas si ridicule, je veux dire, on risque de rêver qu'on se réveille. L'éveillé est un endormi qui se pense réveillé. Ça peut pas faire autrement. Même, il va être avantageux la personne qui se pense endormie, puis qui reste à l'affût. Donc, bonjour, soir en feu. Peut-être pas aujourd'hui, là. Ouais. Parce que, comment je pourrais dire ça? On se sert d'étiquettes, on vend des styles de vie. On est à une époque comme ça. Les influenceurs. Maudite niaiserie. Donc, c'est ça. C'est ça que ça donne. Les éveillés, moi, c'est ça. Vous savez, l'espèce de gauche ésotériste évaporée, genre, que moi je classe là-dedans, du monde qui ont le même genre dans. Ils dégagent le même genre d'affaires, comme genre Shirley MacLaine, Louise Latraverse, du monde de même. Elle s'est droitisée, un petit peu, dans les dernières années. Il y a beaucoup de ma tante ésotérique qui sont devenues trumpistes. Ça n'a aucune logique, ce qui vient montrer jusqu'à un certain point qu'il n'y a pas de noyau, il n'y a pas de solidité au niveau de. C'est pas logique, là, ça marche pas. C'est comme. C'est incohérent. Donc, hein, les influenceurs, ben. L'opposition contrôlée. Comment je pourrais dire ça? Pas besoin d'un contrôle. Les gens qui comprennent comment le système fonctionne vont se lancer eux-mêmes dedans. Ils vont eux-mêmes s'auto-contrôler. Comprenez-vous? Ils vont s'auto-contrôler pour avoir leur carrière. C'est des animaux. C'est des singes. Ils veulent une bonne partie dans le groupe. Ils veulent un bon positionnement. C'est des animaux. C'est pas du monde. Puis là, je suis en train de tenir un discours qui est pas correct, là, dans le sens que. Je me sers de l'altérité pour déshumaniser l'adversaire. Il y en a qui pourraient dire ça, mais je ne vais pas jusque-là. Mais au niveau d'avoir juste des ambitions comme ça, puis de ne pas avoir plus de principes que ça, au point de se contredire, puis de ne pas avoir aucun orgueil comme Trump, moi, je le trouve tellement gênant. Il est tout en train de reculer. Il est en train de gracier Ghislaine Maxwell. C'est pas une farce, là, pour s'auto. Pour que ça rejaillisse sur lui la disculpation, quelque part, ça va faire le contraire. Ça, il y en a une couple qui ont allumé, là. Ça commence. C'est un ami des Clinton, c'est un ami de. Voyons, c'est la même clique. C'est des démocrates de New York, les Trump, de génération en génération, ça a tout le temps été. Ça a tout le temps. Il a soutenu la campagne en 93 de. C'est le même monde, c'est juste du show le reste. Si le monde ne comprenne pas ça, il mérite quasiment ce qui arrive. Il mérite d'être dans la marde. Il mérite de manger du contreplaqué. Il mérite d'être dans la marde. En tout cas, j'étais à Emmaüs, ah oh oui, ce matin, Sujet différent, mais tu pensais quoi de l'abbé Pierre? Bon, au Québec, on n'a pas ça, l'abbé Pierre. Ici, c'était, vous vous souvenez, l'armée du salut, ces choses-là. L'abbé Pierre, qu'est-ce que je pense de lui? Premièrement, pourquoi qu'un prêtre est gauchiste de même? Je la pogne pas, c'est quasiment un communiste, là. Le discours qu'il tient, puis moi, je vois rien de spirituel. Rien. Tellement, je me dis, ce gars-là devait être. On frôle l'athéisme, là, quasiment. Je veux dire, moi, je comprends. Je veux dire, lui-même, ça marche pas. Le personnage est illogique, il se tient pas. Donc, quelqu'un de versatile à ce point-là, vous pensez qu'il va pas avoir une morale? Hein? Moi, là, il y en a qui seront pas contents de m'entendre dire ça, là, mais regarde, ramenez-moi pas les rapaces en soutane parce que je les haïs autant que les cravates, c'est-tu clair? Parce qu'il reste que où ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. C'est pas parce que t'as fait des vœux puis que t'es dans les ordres que t'as de l'allure. La majorité du monde, comme dans tous les milieux, que ça soit dans l'Église catholique ou ailleurs, la majorité, c'est des pas bons puis des bons rien. Ça, c'est mon opinion. Puis l'abbé Pierre, ben, c'est une imposture totale et absolue qui a été faite avec le concours de l'État laïcard français. C'est les valeurs républicaines, à mes yeux, l'abbé Pierre, déguisé en charité chrétienne. Hein? Ouvrez vos portes à toutes les vidanges de la rue. C'est pas du communisme, ça, quelque part. C'est à l'État. Au lieu de dénoncer l'État qui met les gens dans la rue, ouvrez vos portes et accueillez toutes les poquets, toutes les vidanges, toutes les pourris, toutes les bons riens, toutes les... Non! C'est quoi ça? C'est tellement cave, c'est tellement pas intelligent. Christ, puis le monde, ils n'ont jamais allumé. La calabé Pierre, c'est un sans-dessin. Les restos du cœur avec Coluche, puis tout un autre hypocrite, tant qu'à moi. C'est des affaires, faut pas que je pense à ça. Faut pas que je pense à ça. Il n'y a pas juste des femmes, des victimes, il y a des enfants. Si c'était moi qui faisais les lois, l'abbé Pierre, je pense que je le ressuscitais rien que pour le découper menu. En public. Faut que je fasse attention, je vais dépasser ma pensée. Je ne suis pas si méchant que j'en ai l'air. Mais c'est des affaires, ça me choque tellement. Moi, l'abbé Pierre, je te cimenterais ça dans des. Il mérite même pas de sépulture. Maudite cochonnerie. Moi, vous le décanonifiez, moi. Il était canonisé par l'État laïco-maçonnique. L'abbé Pierre, ça vous met pas la puce à l'oreille? Il n'y a personne qui allumait? Quelque part. Puis toutes les subventions, puis. C'était gros, là. C'est les. En tout cas, la charité chrétienne, non, c'est pas une saleté, mais quand c'est hypocrite, oui. C'est parce que là, c'est pas réel. C'est pour ça que c'est une saleté. Mais je n'ai rien contre le. Au contraire, c'est ce qui a fait qu'on est passé de la barbarie à une civilisation occidentale. Ces principes-là qui continuent d'être salis puis traînés dans la chenoute par des vidanges comme l'abbé Pierre, qui est une. Moi, faut que je fasse attention à ce que je dis. Mais bon, effectivement, Trump a dit qu'il emprisonnerait Hillary pendant sa première campagne quand il a été élu, l'a félicité pour son beau travail, souhaité du bien. Ben oui, mais c'est pour se faire élire. La base de Trump, il méprise sa propre base. Si vous n'êtes pas capable de le voir, ça, ben vous méritez d'être méprisé puis de vous faire fourrer par cette petite graine. Parce que il reste que ça a tellement pas de sens, ça a tellement pas de bon sens. C'est pour se faire élire ces discours-là. Parce que sa base, c'est des caves. C'est des caves qui croient n'importe quoi. Eux autres sont des complots de les bases souterraines, puis les conneries que Glenn y répète au monde. Des affaires qui n'ont pas de crise de bon sens. Il n'y en a pas d'extraterrestres. C'est une invention du Pentagone. Ça fait partie de la guerre psychologique. Asti, je viens tellement en colère. Je viens tellement en colère. Le jour où vous allez vous rendre compte, c'est qui les extraterrestres, c'est moi que vous allez pointer du doigt, vous allez dire c'est lui, ça en était un dans le fond. Hein? Je suis plus extraterrestre que toutes ces niaiseries-là. Ben franchement, là, c'est quoi ces affaires-là? C'est vous comment ça. En plus, ça date d'avant, même un petit peu, ça remonte à loin, là, ces idées-là, puis ça a été peaufiné dans le temps de la guerre psychologique, là, Michael Aquino. Puis même les affaires de satanique panique, puis tout, c'est des fois, c'est les agentures américaines elles-mêmes qui entretiennent des affaires. C'est toute de la manipulation. Tout est beaucoup plus simple, là. Je viens tellement. Salut toujours. Bon. J'ai allumé depuis. innommable, et chaque événement ravive la flamme. Ben, moi, je suis pas tant que ça ce qui se passe. C'est juste quand je vois qu'il y a des gros. Sur les marchés, ça bouge beaucoup, qu'il y a des grosses baisses, que c'est pas normal. Là, je vais voir les. Là, je vais voir les journaux. Qu'est-ce qui se passe? Je les regarde tout le temps pareil un peu, mais je regarde juste les titres. Puis il reste qu'à un moment donné, je finis par l'anticiper parce que Trump, ce qu'il fait avec sa gang, c'est des délits d'initié, c'est de la manipulation de marché. C'est ça qu'ils font à ciel ouvert. Je veux dire, ils se cachent même pas. Ils se cachent même pas. Si les gens réellement comprennent ce qui se passe puis qu'ils le voient, vous êtes supposé faire péter des 100% de rendement, là. Moi, j'ai pété le 114% de rendement cette semaine. Tellement je prends des captures d'écran, même si je sais que je vais continuer à améliorer, j'en reviens pas moi-même. Quand ça arrive, ça, puis que je vois mon rang, là, on dirait le cerveau est pas habitué. J'ai de la misère à y croire. Quand vous faites 1 500 pièces, 2 000 pièces en deux clics de souris, en quelques secondes, le cerveau, il a de la misère à s'adapter, là. On vient de passer dans un autre monde. Où, en tout cas, oui, je vois tout ça depuis. Ben oui, je comprends pas. Si le monde y comprenne réellement ce qui se passe, puis le système, ils sont supposés être capables de s'améliorer leur situation. Je veux dire, il n'y a rien qui nous empêche, nous aussi, d'observer puis de se servir d'eux. Donc, ça m'en. Ben oui. C'est tellement un vaste domaine. C'est beaucoup de fumisterie. Ben, bonjour, Sonia. Ah oui, ben merci. Ben oui, mais si ça continue. Moi, je vise le 200% de rendement, après le 150, le 250% de rendement. Moi, je vise le 10 000% de rendement, là. Je vise le top. Pourquoi? Parce que je peux pas faire autrement, puis de toute façon, j'ai rien d'autre. C'est quand tu as saisi le principe de dualité, tu as saisi chaque opposition médiatisée comme un idiot utile. Ben, c'est plus subtil que ça encore. Parce que, ben c'est ça, je veux dire, il y a la polarité, oui, mais une fois que les choses sont polarisées, il y a des possibles inversions. Puis j'ai vu dans les dernières années des choses étranges, comme des gens ésotériques, la gauche, que j'appellerais la gauche ésotérique hippie, devenir droitiste, mais schizophrène, la droite schizophrène, trumpiste. Il y a eu une inversion de certaines affaires, c'est surprenant. Il y a des gens, ils disent noir, ils disent blanc. Puis ils sont complètement, ils sont, c'est incohérent, là. Puis non, ils comprennent pas. C'est pas grave. Bonjour Roselyne. Salut, soit je suis au travail, je passe. Je souhaite une bonne journée à tous. Ben, bonne journée, Sam. Moi, ouais. Ben, vous savez, si c'est pour ça, moi, le monde sont là, ils disent, ah, les autres sont là, c'est comme à Lux Media, puis les autres, ils ont compris toute la game, là. Ils ont compris toute la game, mais pourquoi tu demandes des dons? Si tu l'as compris toute la game, t'es supposé être très, très, très, très rentable. Avoir argent en conséquence. Ça marche pas, là. Si Gloriane Black comprend tout comment ça marche, puis tout comment ça qu'elle mange de même, qu'on me l'explique. Ce monde-là, ils comprennent rien, puis ils vont finir dans la merde. Ça, c'est la réalité. Je suis désolé, mais c'est ça pareil. Daniel Pagé, dans sa prison, il pense encore que l'armée américaine va venir le libérer. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce gars-là se doit le cul pédant. Ah, ça, c'est la réalité. C'est pas normal. Si les gens, s'ils comprennent la réalité, s'ils comprennent ce qui se passe, s'ils comprennent la game, s'ils comprennent les complots, ils sont pas supposés dire « Moi, je suis citoyen souverain puis se ramasser dans la marde. » Ils sont supposés manipuler ce qui les manipule, entrer encore plus dans le système puis s'en servir. Puis devenir de plus en plus prospère. Puis même devenir une force, que même c'est les États qui vont devenir, ils sauront pas quoi faire parce que les complotistes ayant compris totalement la game la retournent et deviennent tous millionnaires. C'est ça qui serait censé arriver dans un monde logique. C'est pas ça qui se passe. Ça veut dire qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Il n'y a personne qui va me faire croire qu'ils comprennent ce qui se passe alors qu'ils s'appauvrissent tous. Même ceux qui sont devenus riches par des concours de circonstances vont s'appauvrir. Ils donnent leur argent à gauche et à droite à des mangeurs de marde et des pourritures qui n'ont pas plus compris qu'eux autres. Que ce qu'ils ont compris, c'est qu'ils pouvaient exploiter ceux qui sont à peu près un petit peu plus tataqueux. C'est bonne valeur, mais c'est ça pareil. C'est pas un bon investissement donner de l'argent à Gloria Blais ou à André Pitt ou à... Voyons, là, quelqu'un qui agit de même, moi, je peux pas, je prédis que ça va avec le temps, va, tout s'en va. C'est sûr, il n'y a pas de... En tout cas, hein? El gros castor de Fluxmet. André Pitt, moi, me fait penser à... Voyons, dans le temps, là, dessin animé de Disney, La Petite Sirène, il y avait une sorcière là-dedans, là, une sorcière à pieuvre, là. André Pitt, il ressemble à ça. Il a le même physique, je trouve que c'est une bonne femme, là, dessinée. Mais quand même, elle était bossée, c'est une espèce de gros drag queen obèse, là, divine. Divine. Il ressemble à ça, André Pitt. Il y a un petit côté grosse sacoche efféminé, hein, André Pitt. On dirait même au niveau... L'endoctrinopsychologie, il y a des totons, gars. Excuse de dire ça, là, mais ça, c'est lié à des affaires que je constate. L'autre, là, Yann Rochdy, là, il a la même face que l'acteur qui fait le gros juif avec les dents bien blanches puis les grosses lunettes en écaille dans Le Loup de Wall Street. Il est pareil. Le physique, là, ça en est surprenant. C'est quand même spécial. La réalité dépasse la fiction. La réalité dépasse la fiction. C'est comme Le Loup de Wall Street, version contreplaqué, hein? Version préfinie. Hein? Puis quand même, de lui, ben, je l'écoute plus non plus. Hein? Bonjour Berthold, il y a des personnes qui disent faire des sorties corporelles et voir des extraterrestres, ils se disent des voyages blablabla. Ben oui, mais de tout temps, il y a eu des êtres qui ont une petite apparence un petit peu elfique qui seraient dans les plans, entre les plans, si on peut dire. Ils appellent ça des extraterrestres s'ils veulent, mais si on a affaire à des affaires qui ressemblent à ça, c'est pas ça. Puis si on a affaire à des affaires qui ressemblent à ça veut dire qu'elles sont bien, bien... C'est bas, là, les fréquences, hein? Vous êtes aussi bien de rien voir puis de rester dans votre corps. Restez dans votre corps, entretenez votre maison, faites de l'argent, tondez votre pelouse, puis envoyez chier les ésotéristes. L'être fort et triomphant, il n'en vit pas d'expérience de même. C'est le monde qui va pas bien. C'est le monde qui a eu des chocs. C'est le monde, je le sais par expérience. C'est le monde qui a eu des chocs puis qui sont entamés au niveau de leur énergie vitale qui vivent des expériences comme ça. C'est pas un signe que ça va bien. Au contraire, hein? T'as pogné le rhume, moi j'ai pogné la grippe. D'ailleurs, je l'avais au début de la semaine. Je ne sais pas comment je l'ai attrapé. Ben, j'ai aucune idée. C'est peut-être la grippe aviaire, dans le sens le chat il a joué avec des oiseaux, puis il est venu me donner ça. Mais c'est pas ça qui va me. Ça m'inquiète pas, là. Je veux dire, ça fait 6 ans que j'ai pas eu la grippe. Parce que comme man, Beyond Shape, à un moment donné, j'avais dit je suis jamais malade, mon Québec, on va dire ça, c'est une façon de parler. Dans le sens, je suis malade aux 5-6 ans. Je parle de la grippe, là. C'est comme quelqu'un qui dit, moi, je dépense jamais. Ça veut dire, il dépense peu. Hein? Donc, j'ai un peu saisi ce qui se passe. Il y a un transfert progressif des valeurs en numérisation crypto. C'est de la cabale. On s'en va de plus en plus vers une cabalisation de l'énergie. Il y a un moment donné, j'avais dit l'argent physique, le papier, qui est plus adossé à l'or, dans le fond, c'est devenu une amulette psychologique dont la seule valeur est liée à un consensus collectif. C'est un support pour l'énergie, c'est-à-dire les échanges, mais c'est lié au monde abstrait. On est dans le monde de la magie un peu. Puis il y en a qui avaient dit, oh, il y en a qui ont dit que l'argent, c'est un support pour l'énergie. C'est un peu con. C'est un peu con. Ça, je l'ai tout le temps retenu, ma grosse sacoche. Il m'a tout le temps m'en rappelé. Après, demande-toi pourquoi tu t'arranges pour faire moins de 30 000 par année pour pas payer de taxes. T'as pas de fiscaliste, il n'y a pas moyen d'arranger ça. Je veux dire, n'importe qui, de la moindrement logique, qui va essayer d'étendre son entreprise, d'avoir des employés, de prendre de l'expansion, puis de faire de péter chaque année un plus haut. À un moment donné, on arrive à un certain niveau de revenu que c'est plus grave la fiscalité, là. Ça compte plus, on s'en fout, là. Vous engagez un fiscaliste, vous allez voir, ça se repaie. On est chanceux au Québec, on a des paradis fiscaux légaux, puis ils ferment les yeux, puis ils s'en foutent. Je veux dire, c'est légal. Celui qui c'est le dindon de la farce, c'est ceux qui se laissent farcir. C'est incroyable, pareil, il faut se laisser. On est à une époque où si vous êtes Esclave, c'est par consentement. Libre et éclairé, mais dans le même temps, c'est une fausse lumière. En tout cas, la réalité est bien meilleure que la fiction, moi. Je l'ai jamais écouté, Pitre. À travers les vidéos de l'oiseau moqueur, c'est bien assez. Mais oui, c'est un truc qui ressemble à Ursula dans La Petite Sirène. Ben. C'est assez spécial. On a affaire à des personnages qu'on ne sait jamais si c'est sérieux ou pas. Puis là, moi, il y a quelqu'un, j'aimerais ça qu'on m'explique comment ça, cette opposition-là, qui est apparue d'un coup de main, des gens issus du Maghreb adoptés, des Portugais, des gens de. Donc quoi, ces gens-là qui vont devenir chef de file. Il y a bien des affaires au niveau de la filiation qu'eux autres, ils peuvent pas comprendre. Au niveau ce qu'on pourrait appeler la voie du sang. La voie du sang. De toute façon, ils sont encore lisses du Québec, là. C'est tout du monde, leur culture est américaine. C'est des Américains. Ils nous font d'ailleurs la promotion des États-Unis. C'est des Américains, des traîtres. Pour moi, c'est même pas des Québécois. Pour moi, André Pitt, c'est pas un Québécois, c'est un Maghrébin qui a été adopté par un couple. Puis qui est mal viré, qui est expert en marketing pas en hypnose de masse, tant qu'à moi. Puis de faire du cash avec de la prestidigitation. C'est un prestidigitateur, c'est un hypnotiseur, c'est un marketing. C'est un vendeur de gomme, c'est un vendeur de liqueur, c'est un putain. C'est un pimp, c'est tout ça. Tout ça. Hein? Mais la bourse tiendra encore un moment, mais le fond des peuples d'en bas vont être numérisés par l'État. La bourse, là, on nous fait des peurs, mais il n'y aura pas d'effondrement de la bourse. T'sais, quand il y a des effondrements de la bourse, c'est des occasions à saisir. Il n'y a pas de réellement de. Oui, c'est la finance internationale qui tient tout. Je veux dire, le vrai système, il est là. Donc, ça s'effondre pas. Le fonds ne peut pas. Ça ne peut pas s'effondrer. Là, l'affaire Jérôme Powell, les taux, puis tout, c'est arrangé avec Trump. C'est eux autres qui zigonnent, puis qui ne veulent pas tout de suite. Il fait semblant qu'il n'est pas d'accord, puis qu'il chicane, mais c'est pas vrai. Je veux dire, c'est lui qui l'a nommé. Effectivement, par expérience passée, intégrée, à peu près, j'observe ceux qui restent bloqués dans le New Age, après des chocs non surpassés et d'autres, par curiosité, ouvrent de plus en plus. Moi, ça dépend. Ben, l'affaire, on nous tient tellement des discours de. C'est comme si c'était mal de la. Faut pas avoir de connaissances en finance. Ça sert à rien. La bourse va s'effondrer de toute façon. Pis on nous maintient dans un état où les gens s'instruisent pas. Où ils osent pas. Où ils font pas de. Est-ce que la bourse va s'effondrer? Ben non. La bourse, là, c'est expansion-contraction. C'est Solvay-Coagula. Donc, il faut que ça fasse ça. Effondrement, mais quel effondrement? Même, je veux dire, reprenez la crise de 1929, après vous avez les années 30, après vous avez les années 40, après la Deuxième Guerre mondiale, puis après vous avez les années 50, 60, qui sont des périodes quand même de prospérité. Tout de suite après la Première Guerre mondiale, vous avez les années 20. Tout de suite après la crise des années, dans le début des années 1800, vous avez appris l'âge doré, ce qu'on a appelé l'âge doré. Donc, les crises, c'est juste la nuit. Il était défini, il y aura un jour, il y aura une nuit. Puis ça succède, puis ça tourne. C'est comme ça que le monde marche, c'est du druidisme. C'est une forme ben c'est ça. Moi, je veux dire, ce que je vois là-dedans, je vois une perpétuation d'anciennes choses. Notamment des choses qui viennent de Mésopotamie. C'est comme il y en a un rabbin dernièrement qui a dit ben, les Gazaouis, c'est des nomades, donc ils sont pas attachés à un lieu. Ça n'a pas de bon sens. Il y a 10 000 ans, il y avait le temple de Dagon à Gaza. Puis je veux dire, c'est les Philistins, ils ont tout le temps, je veux dire, le pays de Canaan, puis c'est eux autres qui viennent de la Mésopotamie, qui sont des nomades. parce qu'ils cherchaient la terre où coule le lait et le miel, puis la légende, le jeu ferait, puis tout, c'est eux autres, les nomades. Les Gazaouis, ça fait au-dessus de 10 000 ans qu'ils sont là. Tôt ou tard. Tôt ou tard, tôt ou tard, tôt ou tard, il va y avoir quelque chose. Je veux dire, ça se peut pas. C'est l'hypocrisie de nos gouvernements, moi, qui m'écœure. Macron veut reconnaître la Palestine, Carney et tout, mais c'est juste noyer le poisson. Ça donne rien de les reconnaître si vous faites rien. Les Américains, on devrait les traiter comme les pires criminels d'ailleurs qu'il n'y a pas. Prenez George Bush, il y a eu une utilisation de la psychologie inversée dans le tas de George W. Bush. De toute façon, il n'y avait pas besoin que la France aille. En tout cas. En France, c'est pareil partout, c'est-à-dire que ça vous prend un service de courtage. Le service de courtage, vous pouvez l'avoir par des institutions financières comme des banques. C'est ce qu'il y a de plus sûr, moi, à mes yeux. Dans le sens qu'il y a des plateformes de courtage sur Internet, des plateformes en ligne. Moi, j'ai pas confiance. J'aime autant payer des plus grosses commissions, puis que je suis certain qu'il n'y aura pas d'erreur, puis parce que une fois que il y a un ordre qui passe, qu'on appelle un ordre qui est passé, il n'y a pas de retour en arrière, puis vous n'avez pas d'excuse possible. Si le chat vient peser sur le clavier puis qu'il achète des choses que je veux pas, je peux pas après rappeler la maison de courtage puis dire c'est une erreur. Mais il reste que sur Internet, il y en a qui se sont fait avoir sur des sites de. Moi, ce que je suggère, c'est de regarder les gens qui en parlent, mais d'en regarder beaucoup, beaucoup. Dans le sens que, ben, se faire une idée d'ensemble. Mais il reste que c'est technique, c'est des affaires techniques, c'est juste comme les valeurs mobilières dans le fond. C'est les mêmes lois pas mal partout, là. La réglementation, puis l'AMF, c'est pas mal pareil en France, puis au Québec, puis aux États-Unis, puis partout, ça fonctionne de la même façon. Ben, moi, ce que je considère, c'est mieux de faire affaire avec une institution financière. Ben franchement, bon, on peut carrément faire du courtage directement pour New York par rapport à une institution de New York. J'ai un compte, moi, dans une banque américaine. Mais c'est pas par là que je fais mon courtage. Mais j'ai des comptes de plusieurs institutions, pas juste canadiennes. Puis, je sais ça. Dans le fond, c'est comment je pourrais dire ça? C'est un peu comme les mathématiques. Les mathématiciens, entre eux, vivent dans un monde où ils entretiennent un langage d'initié. Puis quand on regarde les formules mathématiques sur des tableaux, ça a l'air extrêmement complexe. C'est comme s'ils parlaient un autre langage qui leur est propre parce que c'est des initiés à ce monde-là. Mais une fois que vous étudiez les mathématiques, puisque les symboles représentent, vous vous rendez compte que c'est pas si compliqué que ça, c'est très simple. Puis même des fois, ils mettent des symboles que ça sert à rien, c'est comme pour rendre plus. C'est pareil la finance. C'est pareil la finance, dans le sens c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple que ça en a l'air. N'importe qui. C'est à la portée de n'importe qui s'en donne la peine. Là où ça devient. Ah bonjour Martin. Là où ça devient plus délicat, c'est que au niveau de la psychologie, là, par rapport à ce que vous faites, là, vous êtes responsable. Puis il n'y a rien qui peut changer rien. Il y a des gens qui ont étudié en finance, sont allés à l'université, qui ont des bacs, puis ils sont pas bons. Il y a des gens qui ont jamais étudié rien, qui se sont juste mis à faire du trade sur Internet, puis ils sont extraordinaires. Là, ça, c'est l'aspect plus. Ça dépend de chacun. Comme là, ben là, j'ai pété le 114% de rendement. Mais je le sais que c'est exceptionnel. Il n'y a personne qui fait ça. Il n'y a personne que je connais. Je suis sûr que je suis le seul. Quand j'ai ouvert mon compte de courtage, je l'ai carrément ouvert selon à partir d'une institution financière qui a une succursale dans ma ville. Puis la dame que j'ai rencontrée pour ouvrir le compte, elle m'avait dit qu'elle n'en ouvre même pas un ou deux par année, des comptes comme ça ici dans la ville. Pourtant, je suis dans une ville qui est quand même une ancienne ville administrative pour ma région, ce qui est une certaine élite. Je dirais même que c'est une des villes qui a le plus de gens fortunés par habitant, même si ça paraît pas. Ça paraît pas, mais c'est le cas. Puis pourtant, il n'y a personne qui fait ça quasiment. C'est même pas 4% de la population qui joue à la bourse. Puis là, après, si on regarde le pourcentage pour qui c'est rentable, on tombe à même pas 100, dans ce 4%-là, même pas 1%. L'argent que vous pouvez faire, ça va être l'argent de ceux qui sont pas bons. Moi, je ramasse l'argent des investisseurs plus naïfs que moi. C'est ça que je fais. J'achète avant eux autres, puis je vends avant eux autres. Eux autres, ils perdent de l'argent, moi, j'en fais. Il reste que c'est comme ça. Quand je vends un top, puis qu'il y a quelqu'un qui me l'achète, cette personne-là, je le sais que c'est la majorité des gens sont comme ça. Ils achètent des tops, puis ils vendent des bottoms. Mais ça, c'est la psychologie. C'est pour ça qu'à un moment donné, merci pour l'info. Pas confiance aux vendeurs de formation investissement, comme tu as souligné. L'observateur parlait de sortir une vidéo info après avoir décrit leur agissement. Ah, oui. L'observateur. Faudra que je regarde c'est qui. L'affaire, c'est que moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en finance, par rapport, par exemple, les crypto-monnaies, ces choses-là, c'est des gourous. Ce qu'il y a sur YouTube, c'est un monde de gourous. C'est un monde complètement. C'est une planète. C'est comme le supramental. Il y a des gourous qui parlent un langage qui leur est propre, puis sont dans leur monde à eux, puis ils recrutent des gens pour que les gens viennent mettre de l'argent sur leur plateforme qu'eux autres, en tant qu'influenceurs, ils sont commandités. Puis la plupart, ils n'ont pas d'allure. C'est comme il y en a un, là, comment il s'appelle? Donc, lui, c'est le Bitcoin, tout ce qui est lié aux crypto-monnaies. Puis il met tout le temps des extraits, le loup de Wall Street, comme c'est un exemple. C'est du monde qui n'ont rien compris puis qui n'ont pas d'allure. Parce que le loup de Wall Street, c'est une histoire, il est montré comme un loser. C'est un loser, ce gars-là. Un courtier qui a une licence de courtier, qui vend des valeurs mobilières puis qui est payé à la commission, la plupart, ils connaissent rien de ce qu'ils vendent. C'est des arnaqueurs puis c'est des crosseurs. C'est ça, le loup de Wall Street. C'est ça que ça raconte. Le gars du loup de Wall Street, il n'est pas devenu riche comme il est devenu parce qu'il avait une intelligence financière. Il est devenu riche comme il est devenu parce que c'était un arnaqueur qui vendait des actions qui valaient rien à monsieur, madame, tout le monde. Carrément, là. Prenez Madoff. Quand Madoff s'est fait pendre, il l'a dit lui-même, je connais rien à la bourse. Je faisais même pas de transactions. C'était juste une pyramide de Ponzi qui transférait. Faut le faire, là. Les gens qui ont l'air de connaître ça, c'est ceux qui connaissent le moins ça. C'est comme, moi, j'ai à un moment donné, j'ai ma banque ici qui me donne un rendez-vous. Ben, une des. Puis là, je sais très bien que je vais perdre mon temps. Là, je vais les voir. Là, ils veulent savoir combien je joue. C'est pas de leurs affaires. Je leur dis d'emblée, je dis, vous le saurez pas. C'est pas de vos affaires combien je vaux. Là, la madame, elle essaie de me vendre des produits financiers. Puis à un moment donné, je m'étonne. Je lui dis, mademoiselle, c'est quoi la différence entre une option puis une obligation? Elle sait pas. Les gens qui travaillent en finance, la plupart, ils sont dans un milieu qu'ils ne maîtrisent pas. C'est des vendeurs. Le conseiller financier, s'il était réellement compétent, il ne serait pas conseiller financier. Il gère un portefeuille à son compte. Parce que c'est beaucoup plus, si vous êtes compétent, c'est beaucoup plus rentable de passer les temps où la bourse est ouverte à gérer vos affaires qu'à vendre des produits ou à conseiller des gens pour une petite commission. Elle est là, l'arnaque. Elle est là, l'arnaque. C'est les gens qui nous parlent de finances, c'est ceux qui en connaissent le moins. C'est des employés, c'est des salariés. Tant que vous allez écouter du monde pauvre, vous parlez d'argent, vous allez rester. Il reste que c'est ça, là. C'est comme, moi, quand je vois des gens sur YouTube, ils écoutent du monde malade leur parler de santé. Comme là, moi, je suis malade, mais je suis en santé. Pareil. Moi, j'ai des mouchoirs en coton. Ça revient bien moins cher. Bon, ça fait des années que. Il y a à peu près une dizaine d'années, j'en avais acheté un lot. J'avais acheté une boîte, une caisse complète de mouchoirs en coton. Ça m'avait coûté assez cher. Je ne l'ai jamais regretté. Ça serait payé. Mais bon, c'est comme je vous dis par rapport à ce pari dans tout, là. Si vous êtes mieux servi par vous-même. Toujours, puis de vous instruire vous-même par vous-même. Parce que tous les gourous que j'ai vus des crypto-monnaies ou de la bourse, ou la plupart, ils font une grande partie de leur argent par des clubs. de ce qu'ils appellent du copy trading, puis aussi ils vendent des formations. C'est comme le supramental, ils vendent toutes, ils ont toutes des formations à vendre. Ben oui, mais si t'es si bon, pourquoi tu vends des formations? Ça marche pas. Ça fonctionne pas. Quelqu'un qui est réellement rentable, il vend pas de formation, il n'y a pas besoin. Même, c'est une perte de temps. Là, ils vont dire, ah, c'est pour multiplier les actifs. Ben oui, mais c'est une question de priorité. Moi, je ne vais pas mettre du temps dans quelque chose qui me rapporte moyen. Alors que ce temps-là, je peux l'investir ailleurs, que là, je veux dire, je fais plus en, souvent, là, c'est la personnellement, c'est de 9 h jusqu'à 10 h du matin, 11 h du matin. Habituellement, dans ce laps de temps-là, je viens à bout de faire assez pour payer tout mon mois en une journée. Le matin, c'est le meilleur temps. Pour ça, on disait anciennement, on disait le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, c'est tellement vrai. Pourquoi les bureaux rouvrent à 9 h? Ben parce que la bourse rouvre à 9 h 30. Je suis con. Bioflavinoïdes, ça j'avoue, je sais pas de quoi il est question, là. Moi, c'était pas lié à de la nourriture, ça, là. Bon, du coup, j'avoue, je comprends, je connais pas, là. Pour les états grippaux, vous pouvez prendre de l'extrait de pépins de pamplemousse. Moi, il y a plein d'affaires que je pourrais prendre, mais bon. Déjà que. Ben, moi, je vais aller hier. Ben, aujourd'hui, je vais aller m'acheter du gin. Vous savez, on a tous nos remèdes. Hein? Hier, j'ai pris un petit peu, vous savez, l'affaire allemand là, aux herbes. Mais ça dure 3 jours, une grippe, peu importe ce qu'on fait. J'ai un bon système immunitaire, mais là, c'est parce que je suis à un moment qui est fatigant d'infection qui est de l'inconfort. Vous savez, quand vous avez même des chatouillements dans les gencives, c'est déplaisant. C'est vraiment déplaisant. Ah, c'est pour la grippe. OK, favorise la circulation sanguine. Oh, ben ça. Vous savez, moi, je vais tout le temps faire comme je fais d'habitude. Probablement que j'ai dans les dernières semaines, je me suis mal nourri, puis j'ai trop travaillé carrément. Je me suis surmené, mon système immunitaire a pris un coup. Là, c'est pas long, là. Il s'agit que le chat me ramène un virus, puis parce que je vois pas comment je peux avoir attrapé ça, bien franchement, là. En plein été, je sais pas comment c'est arrivé, comment j'ai pu. C'est pas une grippe. C'est surtout de l'inconfort, c'est déplaisant, mais ça s'en va, c'est moins pire ce matin. Sans éducation financière pour gagner sur actions à risque, budget dédié. C'est de surveiller les événements mondiaux, les matières et industries entrant dans la loi, c'est ça. Juste à, quand les Russes ils étaient sur le bord d'entrer en Ukraine, là, j'investis en conséquence. Pas par rapport à faire de l'argent sur le dos du conflit, mais simplement parce que je savais qu'il y a des choses, la valeur allait monter, comme le pétrole. Le gaz, ça doit être stratégique, hein? Le corps fait son nettoyage, oui. C'est ce que je pense. Dans le fond, il faudrait que je mange mieux. Puis, j'ai pas envie de. Moi, ben, il y a beaucoup de gens qui sont malades tout le temps. Moi, je ne serai pas malade longtemps, là. Demain, ça va être fini. Demain ou après-demain. Le plus gros est passé. J'étais déjà malade, mardi. Je sentais que je combattais quelque chose. Puis, je me suis dit, ah, je vais peut-être avoir une grippe. Puis finalement, oui, c'est une grippe. Je pourrais aller faire dépister, voir pour voir si c'est le COVID, mais si c'est ça le COVID, c'est juste la grippe, y a rien là. Y a pas de quoi. Ça fait 6 ans que j'ai pas été malade. Ça fait tellement longtemps. Donc, c'est correct, on va le prendre. Si je le vois aussi, ça va, c'est pour me forcer à me reposer peut-être un peu. Quoique lundi, tout repart, là. J'ai pas le choix. J'ai vraiment pas le choix. Si t'as pas de fièvre, c'est sûrement une rhinite. Avez-vous beaucoup de pollen, poussière, allergène au Québec? Oui, mais est-ce qu'on n'est pas dans le pire, fait que c'est pas lié. Puis on a des particules de feu de forêt de l'ouest, mais je reste à l'intérieur. Après du stress, c'est normal. Oui, je pense que j'ai eu simplement dans les dernières semaines, même on pourrait dire les 2 derniers mois, énormément de stress. Parce que j'ai parié sur le bluff de Trump. Puis ben franchement, à un moment donné, J'ai vu mes affaires. Il y a eu un temps où je commençais à avoir des doutes, là. J'étais plus sûr, j'étais plus certain que j'avais réellement compris ce qui se passait. Puis là, j'ai eu peur. Puis là, j'ai été stressé. Mais finalement, j'avais raison. Il s'agissait que je garde mon idée puis que je me fasse confiance parce que finalement, il est arrivé exactement ce que j'avais prévu. Là, mes affaires, c'est parti en flèche. C'est incroyable parce que je vois mes graphiques, là, tout d'un coup, ça descend. Là, ça descend. Là, je me mettais à racheter à bas prix, puis j'étais pas certain si je faisais bien. Là, j'étais en train de vider ma réserve pour acheter à bas prix. Ben, ça a fait un V, ça a remonté exactement où c'était. Puis là, après, quand Trump est reculé, là, ça rem... Finalement, en agissant de cette façon-là, j'ai fait deux fois plus que ce que j'ai perdu momentanément. Donc, combien de pourcentage de rendement moyen obtient-on avec du S&P 500? Ça dépend, là. Si vous prenez des affaires adossées à des indices boursiers comme ça, ce que moi, je fais pas, ben, votre pourcentage de rendement, il va suivre la performance de l'indice. Il y a des affaires, comme David Lévesque qui m'en a donné dernièrement, c'est des actions cotées en bourse qui sont accoudées à des indices comme le S&P 500 ou même il y en a pour les crypto-monnaies. Donc, moi, ben, c'est ça. C'est-à-dire que si vous prenez des valeurs mobilières qui sont comment qu'on appelle ça, là? Il y a un terme pour ça, là. Je viens des fois, je viens complètement saturé, là. C'est-tu des ETF? En tout cas. Là, si l'indice monte, là, vos affaires montent. Mais le problème, c'est que quand l'économie moyenne va moyen, vos affaires vont moyen. C'est pour ça que je trouve pas ça très stratégique. C'est trop vaste, là. Moi, personnellement, là, je trouve que c'est trop vaste et dangereux, ces indices-là. Donc, mais je les regarde tous. Tous les jours d'ouverture, je suis beaucoup, beaucoup le Dow Jones. Que je me fie un petit peu à ce qui se passe avec le Dow Jones pour des effets de. Comment je pourrais dire ça? Quand je vois un effet de baisse assez fort par rapport au Dow Jones, il va avoir un retardement par rapport à d'autres indices. Là, je peux prévoir des choses, mais c'est souvent des plus réactifs. C'est ça, c'est un des plus vieux, puis de la façon qui est calculée, les compagnies. Donc, c'est ça, c'est un des plus réactifs, c'est un des plus sensibles. Donc, je peux voir d'autres mouvements qu'il va avoir ailleurs. Mais le problème, c'est que tout ça, c'est irrationnel. La bourse est basée sur la confiance et la crainte. Donc, c'est totalement irrationnel. C'est pour ça que j'ai même battu l'intelligence artificielle sur des prévisions. Il y a des prévisions, j'ai su plus que l'intelligence artificielle définir ce qui allait arriver. J'étais moi-même surpris. Pourquoi? Ben parce que les marchés, c'est irrationnel, puis que l'intelligence artificielle, c'est une forme de rationalisation à l'extrême. Ça compile des avis d'experts, puis les experts, ils rationalisent. Les marchés sont irrationnels dans le sens que il va toujours avoir de la confiance ou de la peur exagérée, dépendamment du contexte. Donc, je regarde les journaux tous les matins, je regarde juste les titres, mais ça me permet de prendre le pouls. Puis, en tout cas, ça aide, moi, je trouve. Stratpol dit que Trump fait pareil que les autres. C'est pas vrai. Il a l'air du délit d'initié, tout va, et c'est tellement visible. Ceux qui étaient avant lui préparent le terrain. Ouais, ben, des délits d'initié n'avaient avant lui. Moi, j'aimerais ça qu'on m'explique Trump depuis qu'il est là. Moi, au niveau des agendas des États-Unis, de leur intérêt, puis de leur agenda à long terme, il n'y a pas de différence, là. Que ce soit Clinton dans le temps du Kosovo, que ce soit Bush, fils, c'est tout le temps le même agenda qui est poursuivi. C'est le Pentagone, entre autres, ils suivent le même agenda puis continuent leurs objectifs d'avant. Que ce soit Trump ou un autre, c'est juste qu'ils changent la mascotte. Ils changent la mascotte, mais c'est les mêmes céréales. Donc, Trump est pas réel. Trump est pas réel. C'est la même affaire. Il y a vraiment eu un changement de président à Washington. Moi, je vois pas de différence entre Clinton, Obama, Bush. C'est tout pareil au niveau du fond puis des agissements en matière de, au niveau du fond stratégique, au niveau de leurs interventions internationales. Puis je vois aucune différence, aucune différence. Les Américains restent les Américains, peu importe le président. Puis ils seront jamais de notre côté, c'est notre ennemi. Moi, je considère les Américains, je parle de l'administration puis le gouvernement américain comme mon ennemi, puis l'ennemi de mon peuple. Parce que ils vont tout le temps aller dans les intérêts d'une certaine élite américaine. Ils sont contre leur propre peuple, dans le fond. C'est juste de la chair à pâté, là, qui sert à justifier des budgets, puis ils s'en foutent, dans le fond. C'est les premiers à vouloir stériliser les femmes noires des certains quartiers de Chicago, puis ils ont tout fait pour ça. Puis c'est une gang de ouais, c'est ça. Mais moi, je vois aucune différence. Là. Peu importe c'est qui le président, je vois tout le temps les mêmes agendas. Toujours. Ça ne change pas. Les intérêts de ces agendas-là, c'est pas notre intérêt. C'est évident. Donc, moi, que les Américains, là, ils veulent la police du monde, puis non, non, qu'ils mangent de la marde, là. L'autre, tout le monde est à genoux en avant des autres. Là. Si vous vous demandez, est-ce qu'il y a un gouvernement mondial? Ben oui, moi, j'avais fait sonner une horloge. Je veux dire, c'est la finance internationale. Puis les Américains vont dans ce sens-là. Puis là, le but, on est dans une sorte de guerre tiède, là, puis le but, c'est de vendre de l'armement. C'est ça, là, c'est ça qui ressente l'économie, là. Donc, Berthold investit en temps réel en déplaçant ses fonds sur les valeurs à tendance, même pas. Ah non, c'est pas tendance, moi, ce que j'investis. Même, j'ai souvent donné des noms de compagnies, c'est des compagnies obscures que personne n'a entendu parler. Mais la journée que tout le monde en entend parler puis que le titre explose, il y en a qui m'ont écouté qui sont contents. Faut être d'avance. Dans le sens, il faut que vous vendiez avant tout le monde, il faut que vous achetiez avant tout le monde. Il faut que vous soyez avant tout le monde. Il faut que vous ayez une longueur d'avance tout le temps. La rentabilité, elle est là. Dès que vous dépassez un certain timing, vous perdez. Ça ne sert à rien d'acheter une fois que le titre a atteint le sommet, là. C'est plus le temps, là. Il faut acheter quand que la compagnie est en difficulté en apparence. C'est pour ça que je regarde beaucoup des petites compagnies. Moi, je n'investis pas sur des titres à 15-20$. Là. Moi, c'est des titres autour de 60 sous. 60 sous à 2$. Ben, c'est pas compliqué. Pourquoi? Si vous achetez 20 000 actions à 60 sous, ça fait juste monter d'un sou. Vous venez de faire 200$ si vous revendez tout de suite. Tout le long de la journée, ça fait ça comme ça. Fait que, j'achète, je vends, j'achète, je vends, j'achète, je vends, j'achète, je vends, j'achète, je vends, j'achète, je vends, j'achète, je vends, j'achète, je vends. Puis comme ça, au bout de la journée, à 200 pièces, à chaque fois, 200 pièces, 200 pièces, 200 pièces, 200 pièces, 200 pièces, 200 pièces, 200 pièces, c'est ça que ça fait. Puis comme c'est pas comme un salaire, là, c'est une plus-value sur une revente de valeur mobilière. Au niveau des impôts, ça fonctionne pas du tout de la même façon. Moi, c'est comme ça que je fais. C'est pas compliqué, là. C'est comme même la plupart des compagnies avec lesquelles je fais des manœuvres comme ça, c'est des compagnies en difficulté qui perdent de l'argent. Mais il y a des imbéciles qui achètent quand ça monte, puis vendent quand ça descend. Donc, moi, j'achète quand ça descend, j'en vends quand ça monte. C'est pas compliqué, là. C'est simple, simple. Un enfant pourrait comprendre. Moi, c'est ça qui me dépasse. Les gens sont trop dans leur psychologie au sens où on dirait qu'ils voient pas le plus simple. Moi, je comprends pas. La majorité, la vaste majorité des gens, ils font exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Puis c'est ça qui nourrit le système. Ils vendent quand il faut acheter, puis ils achètent quand il faut vendre. Puis moi, je ramasse la différence. C'est ce que je fais. Heureusement que c'est comme ça. Si demain matin, tout le monde a une éducation financière très pointue, l'économie s'effondre. L'économie, c'est une science de la rareté. Donc, bon, en tout cas. Plus dur, c'est de se jeter à l'eau, oui. Moi, c'est ça qui a été. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. J'étais complètement. Je comprenais rien, là. La première fois, j'ai ouvert un compte, je connaissais pas ça. Là. La dame qui m'a ouvert le compte, elle connaissait ça plus que moi, mais 4 mois plus tard, j'étais plus connaissant qu'elle, parce qu'elle n'en a pas de compte. Comme ça. Il reste que c'est ça pareil, puis ça va vite. Ça va vite, on n'en a pas tout le temps. Donc, l'argent va nous rendre à perte et le monde va souffrir énormément. Non, pourquoi, c'est quoi ces affaires-là, là? C'est quoi, là? Vous êtes aussi bien d'aller vous pendre, là, vous? Je comprends pas, là. L'argent va nous rendre à perte et le monde va souffrir énormément. Le monde, il souffre énormément parce qu'il n'y a pas de culture financière. On a été gardé dans l'ignorance exprès certaines masses. C'est pour ça qu'on parle d'initié quelque part, c'est-à-dire que les sciences de l'argent sont transmises d'une génération à l'autre à un niveau dynastique par rapport à une élite. Ça n'a pas de bon sens, ça, là. C'est votre responsabilité de vous en instruire. Si vous voyez tout le temps l'argent comme négatif, puis l'argent va détruire, blablabla, vous ne ferez jamais de ça. Vous allez être dans la merde toute votre vie. C'est pas la bonne attitude, moi, c'est ça que je vous dis, dans le sens que pourquoi l'argent va nous rendre à perte, c'est le coup. De quoi vous parlez? Vendre avant que ça culmine. Ben oui, moi je vais tout le temps avant que ça l'ait atteint. Dès que je me doute qu'on s'en va vers un sommet, là, je vais aimer tout de suite. Tout de suite avant que ça se rende. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'acheter une seconde trop tard, puis vous allez. Parce que quand on est proche d'un sommet, ça redescend très vite. Certains titres. Il faut vendre quand on est en train de monter. Là, moi, je vends là, puis là, ça remonte. Oups. Je vends jamais. C'est très, très rare que je vais acheter à la pointe. Là. Ça, c'est être juste pas mal. C'est un petit peu trop, là. C'est dangereux. C'est dangereux, mais quand je regarde comment j'ai agi dans les dernières années, parce que tout est enregistré, là, c'est des registres, j'ai toujours été prudent. J'ai quand même toujours été prudent. Dès que je peux, je prends des profits. Je fais pas. C'est quand vous êtes dans un état d'euphorie, puis que par rapport à. C'est là que c'est dangereux. Quand les choses montent très vite, que vous faites pas mal, que vous êtes dans un état d'euphorie, que vous voulez rester comme ça parce que vous êtes en train de devenir, vous en voulez plus, puis plus, là, vous êtes en danger. Parce que vous allez rester positionné quand c'est le temps de partir, en espérant que ça va aller plus haut. Là, c'est de la psychologie, là. Vous vous mettez en danger. C'est quand vous êtes euphorique que vous êtes en danger. Puis paradoxalement, c'est dans les périodes de doute puis de stress que vous êtes le moins en danger. Moi, c'est comme ça. Je me méfie beaucoup de mon enthousiasme. Vraiment beaucoup. Parlant d'avance, quand la SQDC est arrivée, il y avait de la rareté sur les tablettes. J'ai mis du capital sur Aurora, qui était le principal fournisseur avant le tsunami. J'avais 50. Ben oui, c'est ça qu'il faut faire. Parce que vous avez vu après toutes ces compagnies-là. Personnellement, comme cette semaine, j'ai beaucoup spéculé sur Tilray. Tilray, c'est une compagnie qui fournit la SQDC, mais c'est américain. Puis parce que le gouvernement fédéral, il veut pas voter des lois, parce que là, c'est des républicains anti. En tout cas, ils veulent agir selon une certaine base qu'ils ont, là. Ils veulent pas passer des lois au niveau fédéral, ce qui ralentit les marchés par rapport à ces choses-là. Puis c'est le Canada, c'est le principal marché pour cette compagnie-là. La compagnie est en difficulté. Mais j'ai fait pas mal avec, juste parce que je spécule sur le titre, mais la compagnie perd de l'argent. Elle perd de l'argent, puis elle va continuer d'en perdre, le titre va continuer de baisser. C'est pas compliqué, là. Mais il reste que. Moi, je considère que cette compagnie-là, elle vaut rien. Elle n'a pas d'avenir. Pourtant, j'en vends, j'en achète, j'en vends, j'en achète. Mais je suis à la veille de me fatiguer, de me tanner. À part ça, il y a Bitfarm. Beaucoup spéculé sur Bitfarm. Mais c'est les blockchains, là. Fait que là, je regarde le Bitcoin. Mais bon. Combien t'es taxé au Québec sur les rendements? Ça, c'est à voir avec les impôts. C'est de l'impôt sur le revenu. Dans le fond, au bout de la ligne. Au niveau des taxes, il n'y a pas de taxe sur le rendement. La taxe, c'est sur au Québec, c'est des taxes sur la vente. Au niveau des valeurs mobilières, ça ne s'applique pas de la même façon. Donc, c'est plus une affaire d'impôt sur le revenu là, que de taxes. Parce que moi, ce qui arrive, c'est comme, par exemple, moi, ce que je fais, c'est je calcule la commission. Je calcule la commission. C'est pareil à mes frères, ça, je sais pas, là. Okay. Ben, moi, c'est je calcule la commission, c'est-à-dire là où je fais la plateforme de courtage que j'ai pour négocier pour avoir un courtage moins cher. Je pourrais avoir deux et quelques de commissions, mais pour ça, il faut faire plusieurs centaines de transactions par année, puis je suis pas rendu là encore. C'est pareil en France, probablement. Mais je pense que les lois fiscales en France, ça prend au niveau des impôts, puis à un moment donné, ça prend vraiment un fiscaliste. Parce que on dirait que la France n'est pas favorable à ça. Tandis que dans un pays comme les États-Unis, presque 60% de la population a des valeurs en bourse. Comment est-ce que c'est possible? Ben, c'est parce qu'ils sont font partie de des compagnies d'assurance maladie qu'il y a une partie qui est en valeur mobilière des fois au niveau d'une espèce de portefeuille flottant. Les gens qui ont des fonds de retraite, puis souvent il y a une partie qui est en valeur mobilière. Donc souvent, c'est des plans liés à une compagnie. Les gens se font engager par une compagnie, puis il y a un plan de retraite, puis ça, c'est lié aussi à un portefeuille que les employés reçoivent, qui a des valeurs mobilières dedans. Donc, imposition sur les revenus, investissement 30% sur la crypto. Ben, franchement, moi, à date, je trouve que je peux pas bien. Tant que ça, je suis surpris à chaque année. Je pense pas que ça aboutisse à autant. C'est pas comme au Québec, si vous êtes salarié, vous payez presque, vous donnez quasiment la moitié là, au gouvernement. Mais là, c'est des transactions mobilières, c'est des plus-values sur des transactions mobilières. C'est lié aussi à l'année fiscale. Vous êtes où? Est-ce que vous gardez tout avec l'année fiscale ferme? Puis qu'est-ce que vous déclarez avoir ou pas? Moi, ce que je fais, c'est que à chaque année, quand l'année fiscale achève et que ça devient le temps des impôts, je reçois un feuillet d'une agence de Toronto. Dedans, j'ai toutes mes transactions que j'ai faites dans l'année, puis ce que je possède, puis ce que j'ai pu. C'est ça que je donne à la comptable. La comptable, elle a fait son travail en partie fiscaliste, ça déduit tout ce qu'elle peut. Puis par après, quand je reçois mon rapport d'impôt, là, j'ai tant à payer. Puis là, par après, je vois le gouvernement, lui, ce qu'il dit. Parce que là, après que j'ai payé mon impôt, souvent le gouvernement au Québec, il va m'en redonner un peu. Je vais avoir droit à des. Il va avoir des retours d'impôt. Il va avoir. Finalement, au cours de l'année, bon, je trouve que j'en paye pas tant que ça. Ben, franchement. Je ne sais pas en France comment c'est arrangé, mais je le sais que c'est pas favorable à France à ce que les citoyens jouent en bourse. Ça fait pas partie de la culture qu'ils ont voulu inculquer. Au Québec aussi d'ailleurs. Alors qu'aux États-Unis, c'est même des gens, des illettrés, des analphabètes ont des valeurs mobilières. Ça fait partie de leur culture. C'est pour ça quand Trump s'y met à jouer avec les tarifs, puis là, ça jouait sur les valeurs. Puis c'est comme s'ils jouaient avec les retraites de millions de personnes, là. C'est là que moi j'ai dit, wow, là, un instant, là, qu'est-ce qu'il fait là? Je veux dire, cet homme-là est fou. C'est de la folie, là. Non seulement c'est discutable de toutes sortes de façons au niveau de l'éthique, mais il va y avoir des conséquences réelles. Moi, je vous garantis, les Américains, la classe moyenne, Trump est un traître de sa base, puis il va détruire la classe moyenne. C'est en train de se faire. Les Américains n'ont même plus les moyens de se nourrir convenablement. Je parle de ce qu'on appelait la classe moyenne, ce qui n'existe plus, c'est fini, là. Il n'y en a plus de classe moyenne. C'est pour ça que je disais à un moment donné, les Simpsons, il faut que ça finisse, parce que c'est plus représentatif des États-Unis. On a un homme, un ouvrier qui fait vivre toute une famille puis qui a une maison. C'est impossible. C'est devenu irréaliste comme modèle. Ça ne marche plus. C'est plus possible. Donc, il reste ça pareil. Hein? Bonjour, en France, les impôts vous pressent comme un citron. Ben, c'est le cas partout. C'est le cas partout. C'est pour ça que ça vous prend des fiscalistes. Ça prend quelqu'un qui connaît les coquilles. C'est aussi simple que ça. Presque un tiers du salaire en France, c'est pas de la retraite garantie, donc capitalisation obligée. Au Québec, je pense que c'est pas juste à moitié, 50%. Sans parler qu'on paye deux taxes. Alors que dans les autres provinces, ils ont une taxe. Nous autres, on est deux fois plus. On est le peuple le plus taxé en Amérique. Là, je parle d'Amérique, là, ça contient autant l'Amérique du Sud que le Nord, là. On est dans les peuples, le peuple le plus imposé, le plus taxé en Amérique, les Québécois. Parce qu'on a deux paliers de gouvernement au niveau des impôts, entre autres. Qu'est-ce que ça a fait le nationalisme québécois, puis le besoin d'indépendance, puis l'autonomie en matière décisionnelle de la province, puis ça a fait qu'on se fait fourrer deux fois plus que les autres. C'est ça que ça a donné. Le nationalisme au Québec, c'est pas une arnaque, mais il a été utilisé par des arnaqueurs. Je parle pas des arnaqueurs au genre arnaqueur la petite semaine, là. Je parle des bandits des politiciens, là, des bandits qui sont derrière moi, à mes yeux, des lobbyistes par rapport à des intérêts. Donc, comment s'instruire dans le domaine financier pour comprendre et acquérir les bases de son fonctionnement? Un conseil, s'il vous plaît, livre. Ben, moi, je pas. Bien franchement, le mieux, là, c'est de vous lancer, puis d'avoir un compte de courtage, puis de vous amuser avec des petits montants pour voir ce qui se passe, puis apprendre sur le tas. Moi, personnellement, c'est ça que j'ai fait. J'ai pas lu de livre, j'ai pas regardé de formation. Là, aujourd'hui, je regarde des fois, j'écoute des fois des gourous de la finance sur YouTube, mais c'est pour voir ce qu'ils disent. Puis des fois, pour faire exactement le contraire de ce qu'ils disent. Ça m'est arrivé. Parce que je sais qu'il y a une gang de suiveux, une grande majorité, puis surtout quand ils sont beaucoup à tenir le même discours qu'eux autres, ils vont faire ça. Donc, on est dans un domaine où il faut faire souvent le contraire de ce que les autres font pour faire de l'argent, alors qu'eux vont en perdre. Donc oui, je les regarde, les influenceurs en finance, je les regarde, les formations, pour voir ce qui est... Ben franchement, quelqu'un de compétent en finance, il va pas faire de formation, il va pas... Il va être à son compte, il va gérer ses affaires, puis il s'en fout du monde. Les gens que vous voyez comme sur YouTube qui vendent des formations en finance ou des choses comme ça, c'est pas des experts, là, dans le fond. Dans le sens, ce qui fait qu'ils sont rentables, qu'ils font de l'argent, c'est le fait qu'ils ont des gens dans leur club d'investissement, puis qu'ils ont dans leur plateforme, puis que c'est des influenceurs, puis qu'ils reçoivent des chèques de des compagnies. C'est pas compliqué, là. Hein? C'est pareil en France avec Macron, au Canada, Trudeau et RIP, le prolétariat, moi. Puis là, Trudeau, il est plus là. Puis là, on a un ancien directeur de la Banque du Canada, puis de la Banque d'Angleterre. Mark Carney, un banquier de la Banque d'Angleterre, c'est ça le premier ministre au Canada. La voyez-vous, la Macronie? Notre version à nous? C'est encore pire, c'est la Banque d'Angleterre. C'est pire que Rothschild, là, tant qu'à moi, là. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Mais on va le rentabiliser, l'enfer, on va investir dedans. On va le rentabiliser, puis on va manipuler ce qui nous manipule. Moi, personnellement, c'est comme ça. Ils peuvent mettre, s'ils veulent, n'importe qui, premier ministre, s'ils veulent. Tant que j'ai encore le droit de gérer mes affaires moi-même, puis que j'ai encore le droit de. Je suis pas inquiet. Ils peuvent mettre qui ils veulent. Le pire, là, qu'ils mettent tout de suite le pire. Moi, je trouve qu'on devrait carrément donner la citoyenneté canadienne à Klaus Schwab, puis le mettre premier ministre du Canada, puis donner quelques petites secrétaires, puis des petits stagiaires là, à faire des avances. Là. Tout va bien aller. Ben, franchement, les gens sont là à chialer. Oh, on est gouverné par des menteurs, par des pourris. Ben oui, mais si tu comprends de la façon qu'ils le font, tu es supposé être prospère. Profite-en. On est les dindons de la farce si on regarde faire sans rien faire. En tout cas. Ce serait quoi la solution pour qu'on puisse s'en sortir une révolution? S'en sortir de quoi? Je comprends pas, là. Vous êtes dans une optique, vous autres, vous êtes encore à combattre les moulins à vent mis en place par l'élite pour drainer votre énergie. Tous ces gouvernants-là, tous ces élitistes-là, tous ces dynastiques-là, ils mettent en place des moulins à vent pour vous, pour que vous ayez quelque chose à combattre. Donc, vous pensez qu'il faut qu'on s'en sorte, qu'on se batte puis qu'on s'en sorte. Moi, je vous dis, tout va bien. Tout va très bien. C'est à l'individu d'étudier, puis d'être à l'affût, puis d'observer, puis de comprendre ce qui se passe. Puis tout va bien aller. Vous allez agir en conséquence, puis il n'y en aura pas de problème. Hein? Prenez quand il y a eu l'affaire, le COVID, puis il y a du monde. Le monde qui a de l'argent, ils n'en ont rien à foutre, là. C'est des employés de maison qui font leur épicerie. Ils s'en foutent des masques, ils s'en foutent des mesures. Ils sont au-delà de ça. Il y en a un propriétaire ici que je connais, puis je le sais par personne interposée, que. C'est arrivé à des locataires qui disaient, moi, je vais me défendre, j'ai des droits, puis ils regardent, puis ils leur disent, moi, je suis au-dessus des lois. Ben oui, c'est sûr, le gars, il est multimillionnaire. Il vaut même il y en a un de ma ville qui est mort dernièrement, un accident en aéronautique. Il était milliardaire. La petite ville d'où je viens, là, il y a des milliardaires. Ça paraît pas, personne le sait, mais c'est l'attitude de ma région, c'est la mentalité du monde ici qui fait que ça paraît pas. On le sait pas. Mais ces gens-là sont, oui, effectivement, c'est sûr, s'ils tombent sur un os comme moi, qui dit, moi, je vais défendre mes droits, puis tout, ils auront beau dire, moi, je suis au-dessus des lois, ils vont se rendre compte qu'ils sont pas au-dessus des lois. Parce que moi, ça me, j'en ai poursuivi un multimillionnaire, puis il a fini par régler leur cours parce qu'il a compris que jamais, jamais, j'allais plier. Jamais. Puis j'étais en train de gagner mon affaire parce que ça n'avait pas été intelligent de la façon qu'il a fait ça. Lui, il se basait sur l'idée que les petits comme moi n'ont pas d'instruction, puis ils sont pas au courant de leurs droits, puis il a effectivement raison avec la majorité, mais avec moi, ça marche pas. Donc, je l'ai poursuivi. Même un de ses employés disait, il est archi millionnaire. Je m'en fous. Qu'est-ce que ça change? Je m'en fous, je vais gagner. C'est moi qui vais gagner. Moi, le traîne en côte, on mange une marde de boss, puis il va broyer du sang par l'humiliation. Par l'humiliation que je vais y faire. Je l'ai vu en cours, il prétextait le COVID pour témoigner par caméra. Puis il est apparu devant la juge en t-shirt avec des tatouages. Pauvre imbécile. C'est un millionnaire, ça, là, mais c'est un millionnaire que son père est venu au monde avant lui. C'est pas lui qui a construit ça. Ça, j'en avais tenu compte de son profil psychologique avant de le poursuivre. Puis j'y avais dit, je l'avais regardé dans les yeux, puis j'avais dit, monsieur un tel, ça c'est le monsieur qui est né avant vous. Là, je l'ai vu dans ses yeux, le gars, il avait envie de me tuer. En plus, il venait de recevoir la visite d'un huissier avec un pad à peine main. Moi, avoir été même plus frais, j'aurais dit, si vous avez envie de me tuer, je vous conseille sincèrement d'engager quelqu'un de le faire parce que ça va vous coûter moins cher me faire tuer que ce que ça va vous coûter. Moi, je vais te. Ouais. C'est pas vrai, ça, que je vais accepter de me faire mentir puis rire de moi puis me faire. Parce qu'un bonhomme, son père est venu au monde avant lui, il n'y en est pas question. Si moi, je suis un autodidacte, je suis un autodidacte. Puis, c'est pas mes parents. Mes parents, c'était des irresponsables qui géraient très mal leurs affaires. Mon père, il a eu des blocs appartements, il y avait un paquet de choses. Mes parents, ils ont été très en moyen, puis ils ont tout perdu. Parce que c'était des irresponsables, puis des imbéciles. Je suis au niveau financier. Même, j'ai été scandalisé quand ma mère est décédée, puis j'ai regardé ses vieux rapports d'impôts. Comment ma mère se faisait avoir. J'en reviens pas encore. En tout cas. Juste en dessous de la France, côté taxation, ça se peut. Mais au niveau des impôts, on se rattrape. C'est un peu comme le surf, il faut contourner le courant pour prendre la vague, c'est ça. Ben oui, il faut vous positionner avant la vague. Puis, faut pas être au sommet de la vague, mais juste un petit peu avant. Un petit peu avant. C'est là que vous allez être porté. Si vous arrivez en haut, vous allez, comme dans le surf. Si vous êtes trop léger, si votre planche est trop légère. Même je connais pas le surf, là. Hein? Effectivement, c'est au peuple de lâcher l'océan, c'est ça. Bon, on est noyé dans l'information. C'est pour ça que c'est une question de discernement. C'est une question de discernement. Il est là le test. C'est des darwinistes sociaux qui nous gouvernent. C'est pour ça que, après qu'il ait fait des cigarettes au Canada, là, que c'est écrit sur chaque cigarette, sur le papier, c'est écrit que chaque cigarette est du poison. C'est des eugénistes qui nous gouvernent. Ceux qui ont continué à fumer, vous n'êtes pas des lumières. C'est écrit dessus. C'est là pour éliminer les faibles. Allô? On allume. Vous voulez continuer à fumer? Ben, prenez du tabac cubain ou dominicain, qui n'a pas de papier, qui est enroulé dans de la vraie feuille. Sinon, vous allez vous faire. C'est écrit dessus. On peut même pas les accuser d'être malhonnêtes. Ces eugénistes-là, puis ça vient tout d'Angleterre, ces idées-là. Le fascisme, les idées du fascisme, c'est lié à l'eugénisme, puis ça vient d'Angleterre, à la base. Après, Mussolini, qui est un journaliste qui était de gauche au départ, en a fait une sorte de fusion entre l'État puis le corporatif. Une certaine vision, ils ont viré complètement. Mais il reste que ça vient tout d'Angleterre à la base. Toujours. Puis les eugénistes sont devenus des hygiénistes, mais ils restent des eugénistes, ils vont tout le temps en être. Puis ils se prennent pour des éleveurs, hein, qui améliorent une race. Ils nous considèrent comme du bétail. C'est comme la souris, là, dans l'expérience, celle qui peut pas s'empêcher de prendre de l'alcool jusqu'à ce qu'elle en meure. Ils nous considèrent comme ça. Donc, hein. Réseau, tu dois profiter des failles du système. Elles sont nombreuses. Ben oui, c'est fait pour ça, c'est des darwinistes. Ils ont arrangé le système pour que les plus brillants se trient eux-mêmes. On ne parle pas ici d'une intelligence académique, là. Ces gens-là, c'est des animaux très sophistiqués quelque part. Donc, ils voient le monde de cette façon-là aussi. Le peuple, c'est comme un troupeau, il va où on lui dit d'aller, oui. Puis vous savez, c'est comme il y avait la meilleure métaphore au Québec, c'est les caribous. Vous avez un troupeau de. Les caribous, c'est comme des rennes. Vous avez un troupeau qui sont sur le bord d'une falaise. Il s'agit que ceux qui sont derrière le troupeau se mettent à paniquer pour avancer, puis toute la horde va se jeter en bas de la falaise. Faut être le caribou qui est allé en sens contraire puis qui regarde de loin. Il risque de se faire avoir par des loups solitaires mais de toute façon, il va se faire avoir. Il tout se met à prendre une chance. Je le vois comme ça, là. Si tu es prospère, pourquoi tu es à loyer? Ben, je suis pas assez prospère pour plus l'être encore. Mais il reste que. Moi, j'ai commencé en investissant 300 piastres. Puis, je suis rendu à pas loin de. Si je regarde en tout, là, je devrais être sur le bord de plus l'être. D'un autre côté, ça me revient moins cher. Si je calcule, là, le marché, c'est pas le temps d'acheter, tant qu'à moi. Si je calcule les taxes municipales, plus par rapport à l'impôt de racheter une maison, de. En ce moment, je suis plus avantagé d'être à loyer. Ben, franchement. Mais il reste que je paye un loyer que c'est pas tout le monde qui peut le prospérer, là. Ça fait que c'est très grand, hein, pour quelqu'un de tout ça. C'est sûr, je paye cher, là, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est pas le temps d'acheter, là. C'est pas le temps de. Puis, j'ai pas assez pour acheter une maison, puis le marché est trop haut. Pourquoi est-ce que je suis à loyer par stratégie? Mais j'ai été propriétaire avant d'avoir 30 ans. J'ai été propriétaire avant d'avoir 30 ans. Moi-même, je suis surpris de. Moi, je me rappelle, c'est quand justement j'ai ouvert le compte de courtage, la dame, l'employée de la banque, elle me dit, vous avez un crédit parfait. Je dis, ah oh, oui, j'étais moi-même très surpris de dire, oui, vous avez un bon nom. On considère qu'il n'y a même pas. Il y a autour de 85% de chances que vous ayez jamais aucune dette, vu votre profil de gestion. Ce qui est vrai. Il y en a, il faut qu'ils s'endettent pour se faire un nom. Mais moi, je veux dire, j'en ai. En tout cas, le peuple a pas besoin de se laisser dicter. Et ça commence chez l'individu, ça commence par vous. Oui, mais à moins que vous tombiez dans des conneries. Que vous vous faites dicter dans une sorte d'alternative, dans le sens que prenez les affaires de citoyens souverains. Vous êtes mieux de vous laisser dicter dans le système normalement que de tomber dans des conneries comme ça. En tout cas, il faut avoir les reins solides aujourd'hui pour accepter la société où on est. Ouais. Mais même là, la société, là, a pas besoin de votre avis. Je veux dire que vous l'acceptiez, que vous l'acceptiez pas, ça change quoi? Bonjour, Phil. Bonjour, Mimi. Les faibles s'éliminent eux-mêmes, c'est exactement ça. Ben, c'est comme ça qu'eux autres, ils voient ça, parce qu'ils n'en ont pas de charité, ils n'en ont pas d'empathie, ce monde-là. Ils vont avoir de l'empathie par rapport à ce qu'ils considèrent comme leur semblable. Mais quand ils sont obligés d'aller voir, de côtoyer du menu fretin, ils les considèrent pas comme du vrai monde, là. En tout cas, ça, pour eux, ça n'a pas la même valeur. Ils auront pas la. C'est pas du monde qui ont pas d'empathie. C'est pas des gens. Mais ils vivent sur une autre planète. Ils sont coupés du monde un peu. Puis on va avoir de l'empathie pour ce qui nous ressemble. Donc, des fois, ben. Bon, de retour après trois lives manqués. J'espère que la bourse a été bien. Oui. Profitable de ton côté, environ 7 fois des gains en haut de plus de 3 pièces, c'est une fois un achat à 7 et 20, vente à 17 et 50, 3 heures plus tard. C'est excellent, ça. C'est quasiment, c'est plus que le double. C'est plus que le double. Mais là, c'est ça, c'est sur des actifs. Non, moi, je me tiens dans des actifs à 60 quelques cents, 70 cents, 80 quelques cents. Le plus haut que j'ai spéculé cette semaine, c'est Bitfarms. Ça s'est rendu à une et. J'ai des fois, je regarde tellement de chiffres tout le temps que. Je viens tout mêler. Tellement que quand je fais mes ordres, il faut que je fasse attention. Je revérifie, puis je peux mélanger avec entre deux affaires. Une et 71. C'est allé jusqu'à une et 80. Ça vaut pas ça tant qu'à moi, là. Pourtant, moi, je vous garantis, ça va aller bien plus haut que ça. Ça va retourner bien plus haut que ça. C'est déjà allé jusqu'à 10 piastres, hein? J'en avais acheté quand ça a ouvert. C'était pas le temps. Hey, j'avais payé 3 et quelques, puis ça avait retombé à... Ça n'a aucun sens, bien franchement, là. 30 sous. Ouais. Ça n'a aucun... Ouais. Ça, c'est mes débuts. Mes erreurs de débutant. Comme Nemaska Lithium. C'est une erreur de débutant. Nemaska Lithium, j'ai perdu 900 piastres. Je parle perdu, là. Il y en a qui vont vous dire, vous perdez rien tant que vous vendez pas. Ben oui, mais 100% de zéro, ça fait zéro. Quand la compagnie, elle n'existe plus, je veux dire. C'est parce... Savez-vous pourquoi je les ai gardés? Parce que Pierre Fitzgibbon est allé faire une déclaration, il a dit, ça va se faire. Ça va se faire. Puis je l'ai cru. C'est ça qui est arrivé. Moi, aujourd'hui, sur 5 ans, je dépasse les 60% de rendement. Fait que je l'ai enterré, ça, là. C'est fini. Ça, j'ai plus de problème avec ça. Mais ça, c'est des erreurs de débutant que j'ai faites. Ben, bonjour Julie. J'ai perdu beaucoup à cause de l'émotion, mais depuis que je me suis recentré, ça me rapporte. C'est ça, je vous dis de méfiez-vous de vos émotions. C'est quand vous êtes enthousiaste, que vous êtes en danger, puis que vous faites des conneries, puis quand vous êtes dans le stress, puis que vous êtes sur la panique, là d'habitude, c'est bon signe, ça. Les périodes où je suis très, très stressé, dans le fond, c'est parce qu'il s'en vient du très bien. Puis je me méfie beaucoup de mon enthousiasme. Vraiment, là. Quand les gens sont enthousiastes, puis qu'ils sont rendus dans la. Ils veulent faire plus, puis ils pensent que ça va aller plus haut, c'est là qu'il faut vendre. Tout de suite. Moi, c'est ça que je fais. J'attends que ça remonte un petit peu pour suivre l'enthousiasme après, tout de suite. Puis qu'est-ce que vous pensez que ça fait tout de suite, pas longtemps après? Excusez. 5 jours sur 5, il y a 3-4 actions. Ça fait plus 2 piastres. Donc voilà, dans la liste top. Gainer Trading View. En tout cas, j'arrête de croire à la petitesse du 7% sur un an qui nous est vendu. Ça n'a aucun sens, ça. Je viens de péter le 114% de rendement sur un an. Jamais je pourrais faire quoi que ce soit avec du 7%, je vais arriver en dessous. À ce prix-là, c'est aussi bien de venir d'aller faire un DAP. Je veux dire 7%. Voyons, 7%. Voudriez-vous d'un commerce qui rapporte 7%? Vous n'allez pas arriver. C'est passé. Hey, bonjour Alexis, je vais me prendre du café un peu, je vais cesser dans pas long. Ça me fait rire ça, pourquoi vous êtes prospère, vous êtes à loyer. Prenez Tigreen, Green, le nombre de possessions qu'elle avait, elle est en pension toute sa vie. Elle louait des chambres. Puis elle les mettait au nom de son chien. Ben, elle traînait sa fille Sylvia avec elle, là, dans ses loyers. des maisons de pension, puis des loyers dans des immeubles infects des quartiers malfamés de New York, qu'il fallait monter des étages dans la chaleur, puis elle s'en foutait. Très brillante, Teddy. Letty Green. Très, très brillant. Les gangsters de New York avaient peur d'elle. Je vais vous donner une idée. Elle n'a jamais vécu dans une maison qui lui appartenait à part le temps qu'elle était mariée. Mais elle a tout le temps vécu dans des loyers, des pensions, des maisons de chambre. Au niveau de certains frais, c'était pour l'impôt. Vous savez, quand vous avez des maisons à votre nom, en tout cas, il faut être stratégique un peu, hein. Le Doc Mayou, lui, avait organisé son insolvabilité. Il n'y avait rien à son nom. Rien. C'est pas fou, mais ça dépend le profil que vous avez. Le genre de. Hein? L'argent est un excellent serviteur, mais un mauvais maître. Oui, ça, c'est vrai. Mais il reste que. C'est pas. J'ai jamais entendu des gens prospères dire ça. Ben, ben. C'est pas le genre de discours qu'on retrouve chez les gens qui réussissent vraiment. C'est toutes des affaires, ça, j'ai entendu dans la... C'est de la sagesse populaire. C'est simple, il y a combien de fameux gourous de la complexité qui cherchent à garder le débutant dans une lourdeur de long terme? 6 à 7%, en tout cas, j'ai vu. Bitfarm aussi, qui lève bien, ouais. Puis ça, c'est à cause de, justement, ben, les lois à cause de Trump et sa gang. La famille à Trump et sa clique sont en train, par délit d'initié, de faire tellement d'argent avec les crypto-monnaies, puis les affaires adossées aux crypto-monnaies. Mais ils savent, c'est un temps. Ça va faire un temps. La plupart vont être éliminés dans le processus, les crypto-monnaies, mais eux autres, leur argent va être vide. Là, sont en train de pas, ils arrêtent pas de passer des lois par rapport à ses propres placements qu'il a fait, lui, puis à son clan. Pis ça devrait tout être considéré comme du conflit d'intérêts, ça. C'est là que je vous dis le monde qui sont encore accrochés à le voir comme que ça a bien de l'allure. Ce gars-là, il fait comme tous les autres avant lui, c'est-à-dire il enrichit son clan, il sert un agenda avec la permission de se servir sans avoir trop de problèmes. C'est ça qu'ils font. C'est des mercenaires. Que ça soit. Bill Clinton, George Bush, Barack Obama ou Donald Trump, c'est tout pareil. Moi, je vois aucune différence. Aucune. Aucune, aucune, aucune. C'est tout pareil. Donc, non, là, comme là, ils parlent, ils vont peut-être, ils vont renommer quelqu'un à la direction de la Fed. Là, je ne sais plus qui, là. C'est sûr que ça va faire monter encore. Encore, puis là, on sait ce que ça fait, le Bitcoin, des fois, en fin d'année, à l'automne. C'est sûr, Bitfarms, il y a ça, là. Les gens qui vont pas acheter du Bitcoin, ils vont investir dans des blockchains. Fait que c'est ça. Ça, c'est accessible. Comme par exemple, la plupart des banques qui vendent, vous pouvez pas acheter de crypto-monnaie. Mais vous pouvez acheter des valeurs mobilières dans les blockchains. Donc, puis de toute façon, ça, quand ça va bien avec les crypto-monnaies, eux autres, ils vont plus haut en rendement encore, c'est des fois. Donc, des fois, je parle pour le Bitcoin, là, parce qu'il y a d'autres, les shitcoins, là, comme des fois, ça monte. Ça n'a aucun sens. J'ai vu des 30%, après, ça redescend le lendemain de 40%. L'argent est comme l'eau salée. Plus on en boit, plus on a soif. Trop de vouloir la rendre à ta perte. Faut être réaliste. Trop en vouloir. Ben oui, mais je vous l'ai dit qu'il faut se méfier de l'enthousiasme. C'est quand les gens, ils tombent dans la, comment est-ce qu'on appelle ça? Donc, il y a un terme en finance. C'est quand la masse est dans cet état-là, de vouloir plus, que c'est dangereux, qu'il faut se retirer du marché. Mais ce que vous me sortez, moi, je trouve ça insignifiant, bien franchement, là, monsieur Paris, là. C'est les mêmes affaires qu'on a entendues 100 fois, puis que monsieur, madame, tout le monde répète, puis répète. Puis comme je vous dis, tant qu'on va suivre des affaires de même, puis qu'on va s'accrocher sur des formes de même, on est fit, là. Hein? Moi, j'aime mieux avoir. J'aime mieux. C'est ça. Ben, franchement, vous voulez quoi, être un philosophe qui n'a pas d'argent? Vous êtes bien mieux d'être riche. On s'en fout du reste. Moi, personnellement, je m'en fous, là, dans le sens que même Monsieur D, quand je parlais avec Monsieur D il y a des années, il y a 5-6 ans de ça, puis on se parlait de qu'est-ce qu'on faisait dans ce milieu-là, puis pourquoi on parlait de conscience, puis tout, on est arrivé à la conclusion que si on était, on n'avait pas des... Si on n'était pas dans des situations précaires de toutes sortes de façons, on ne se serait jamais intéressé à ça. Dans le sens que c'est le monde qui tient des discours philosophiques sur l'argent qui n'en ont pas, qui vont dire ça. Hein? Les gars s'appellent mettre un montant sur une action par rapport et une vente massive aussi mystérieuse que l'achat se fait. Malheur à ceux qui ont eu de l'espoir et ensuite cette action disparaît. Ouais, je l'ai vu souvent. L'euphorie, c'est ça. Mais non, il y a l'euphorie, ouais, mais il y a d'autres choses. Il y a même des indices. Il y a des sites qui sont spécialisés là-dedans. Vous voyez des cadrans, là. Puis quand vous voyez que les gens sont, ils sont vraiment requins, là, sont dans une période où ils sont à la fois enthousiastes puis qu'ils veulent faire plus, c'est le temps de se sortir. C'est le temps de sortir du marché. Ah oui, le magicien de la France. Mais je sais pas de qui vous parlez. Ah, les magiciens de la finance. C'est moi qui ai les yeux à cause de ma grippe. Qui comprennent son potentiel, sont constamment des citations de gens, ben, l'argent est un mauvais maître. Oui, mais un maître qui n'a pas d'argent, il maîtrise quoi? Je veux dire, c'est quoi avoir l'argent comme maître? C'est quoi, là? C'est une abstraction. L'argent, c'est un consensus collectif qui fait sa valeur. C'est un support. Comment ça peut être un maître? Peur et cupidité, voilà. C'est ça. Oui. Ben oui, moi, c'est ça, je regarde ça. Puis là, il faut faire exactement le contraire de la masse. Oui, l'argent est un mauvais maître pour la masse. Mais c'est pas la masse qui est prospère, c'est l'individu. C'est un léger pourcentage. Je veux dire, c'est un peu comme... moi, je demandais à l'intelligence artificielle d'évaluer certaines de mes stratégies, puis elle me prédisait des pertes. L'intelligence artificielle comprend pas les marchés ou est programmée pour nous induire en erreur. Donc, je faisais le contraire. Ça a fonctionné. Tu devrais t'éloigner du micro quand tu te mouches. Oh, ok, excusez. Bon, ben là, de toute façon, je devais m'éloigner du micro pour aller. Faut que je déjeune. Ben oui, ben j'ai la grippe. Hein. Désolé, mais j'ai un bon micro, il est fait pour isoler les sons. Donc, il doit penser que je parle, je dis quelque chose d'important quand je me mouche. Parce que normalement, il devrait enlever le son, là. Moi, garder son sang-froid, oui. Ben oui, encore précaire, mais aller vers ce qui domine. Car, ben, moi, ça m'est arrivé de perdre patience, puis d'être perdre mon sang-froid carrément, mais je gardais mes positions, puis je me fiais à ce que j'avais décidé d'avance. Puis je continuais à suivre mon plan. Comme Trump, il a fait des conneries, j'ai vu de mes affaires là, qui descendent là, de plus de la moitié. J'étais tellement en colère, mais je les ai gardées. Je gardais mon sang-froid. Je me défoulais sur YouTube à chialer contre Trump, mais au niveau de mon action, je faisais rien. J'attendais. À part, je rejetais. À un moment donné, je me garrochais à la banque puis je déposais à coup de 2 000 par jour pour racheter. Racheter, racheter. J'ai une réserve, j'ai une trésorerie puis une réserve. Mais là, j'étais en train de vider ma réserve. Donc, j'étais très inquiet. J'étais pas sûr. J'avais des doutes. Je le savais que ce que je faisais, c'était la bonne chose. Je savais très bien ce que je faisais. Mais au niveau de ma réflexion, puis de mon intellect, je doutais. Puis j'étais pas sûr. Puis je pensais que je me disais, je suis peut-être sur le bord de la catastrophe, puis je vais me ramasser avec plus rien. Puis ben non, j'avais raison. Mais j'ai tenu mon. Je l'ai fait pareil. J'ai tenu mon. J'ai pas perdu. Je l'ai fait pareil, j'ai gardé mes positions, j'ai attendu. Comme ça, j'ai plus que doublé ce que j'avais. C'est quand même fou, là. C'est quand même fou. Tu te soulageais sur le moment de temps. Non, bon, moi. Ben oui. Il y a des affaires. Techniquement, à cause de ce que Trump déclarait, puis tout tombait, puis les marchés tombaient dans certains secteurs, c'est comme si j'avais fait des mauvais placements. Fait que ce que je faisais des vidéos où je gueulais sur Trump, mais je les gardais. Je gardais mes positionnements parce que je le savais. Que c'est des mani ils manipulent le marché. C'est ça qu'ils font. Puis c'est ça qu'ils veulent, qu'on panique puis qu'on vende. Donc, au lieu de vendre en panique, je me suis mis à racheter ceux qui paniquaient. Mais à un moment donné, après plusieurs semaines, à courir à la banque, puis à déposer, puis à déposer, puis à transférer, puis à transférer, à un moment donné, ma réserve était. C'est pour ça que je vous dis, mon système immunitaire en a pris un coup, je pense. J'ai vécu tellement de pression puis de stress, le temps que ça a duré. J'ai jamais vu un été comme ça. Bien franchement, là, c'est la première fois que je vois un été comme ça, puis ça fait depuis 2019 que je fais des transactions en valeur mobilière, puis l'intuition réelle. C'est même pas de l'intuition, parce que ce que je le savais, ce qui allait arriver, c'était carrément parce que je le voyais, puis c'était entre autres par déduction. C'était même pas entre autre de. Mon intuition, je vais m'en servir comme un à côté qui appuie ou pas. Mais mon intuition aussi me disait que c'était ça, puis que j'avais raison. Mon intuition me disait que c'est des délits d'initiés, manipulent le marché, c'est tout de la foutaise, c'est du show, c'est de la manipulation. Rachète, rachète. C'est ça que j'ai fait. Ben, j'avais raison. Je veux dire, si j'ai tort sur Trump, puis ça clique, puis ceux qui gouvernent la finance, puis qui s'arrangent avec, puis tout, comment ça se fait que je dépasse 114% de rendement si j'ai tort? Si je suis dans l'illusion, comment ça se fait que les grands spécialistes, eux, ils font 7 à 10 % de rendement? Qu'on me l'explique. Qu'on m'explique. Qu'on me l'explique. Si j'ai tort, si je comprends rien à ce que je fais, comment ça se fait que je pète les 114 % de rendement? Comment est-ce que c'est possible? Je suis pas stupide, je le vois bien que j'ai raison. L'affaire, c'est d'avoir suffisamment. On est élevé dans l'idée qu'il faut être humble, puis mais tellement que quand on a raison, on doute de nous-mêmes. On nous a appris à douter de nous-mêmes quand c'est pas le temps, puis à être sûr de nous quand c'est pas le temps. Quand c'est le temps là, de s'auto-flageller, puis de ce qu'on là, on est sûr de nous-mêmes. Quand c'est le temps de se considérer comme incompétent, puis c'est seulement 42 ans cette année que j'ai envie de bâtir quelque chose et d'avoir de l'argent. Les boomers de la classe moyenne ont minimisé l'importance de bien réussir. Oui. C'est incroyable. C'est la première génération comme ça qui laisse pas de patrimoine, quasiment. Mes parents ont été tellement pas intelligents dans leur façon de gérer leur argent, mais c'était les valeurs des boomers. Donc, ils ont perdu tout le patrimoine de la génération d'avant. Des deux bords, là. J'avais un bon patrimoine, on avait une maison ancestrale de la famille. Ça a tout été vendu, puis il restait plus rien. Il restait plus rien. En tout cas, l'intuition réelle démasque les manipulations, oui. Je pense que oui. Il y a un petit quelque chose qui nous dit que c'est pas ça. C'est comme quand, même des fois, quand Trump il dit la vérité, mon intuition, comme à un moment donné, il dit aux investisseurs, ne soyez pas stupides. Il avait raison, là. Parce que tout le monde vendait en panique. Moi, c'est là que moi, j'avais fait des placements que c'était des revenus passifs, puis c'était le fun parce que j'étais tranquille. Ça allait bien, puis finalement, ce qui est arrivé, c'est que quand il a commencé, il est arrivé que ses panneaux, puis ses frais de. Puis tout a tombé. Là, je me suis mis à spéculer à plein temps, tous les jours. Puis ça, c'est fatigant. C'est du travail à plein temps, puis même c'est pire qu'un travail à plein temps parce que je me lève la nuit, puis je regardais le prix de l'or, je regardais le prix du Bitcoin. C'est 24 heures sur 24. Puis il reste que quelque part, il avait raison quand il disait ça, ne soyez pas stupide. Ben oui. Ben oui, des fois, il dit la vérité. C'est ça le problème, c'est une affaire de discernement. C'est pas tout noir ou tout blanc. C'est comme, c'est quoi? Donc, il y en a un qui disait sera la raison, puis il y en a un qui avait dit fort juste, oui, mais à quelle heure? Dans le sens que même une horloge brisée va de temps en temps donner la bonne heure. C'est une question de timing. C'est pareil pour le reste. C'est pareil pour le reste. D'ailleurs, un qui est intéressant à étudier au niveau de la fiscalité, puis il est d'origine suisse, d'ailleurs, c'est Soral. Ses appartements qu'il y a dans des arrondissements de Paris, puis ses motos, puis ses montres de collection, puis vous pensez que Heuer, c'est pour sauver la France? Que Philippe Pénin qui a financé Alain Soral pour sauver la France? D'ailleurs, quand il est posé en public la question par rapport à Philippe Pénin, que Soral, il disparaît, il change de couleur, puis il se ferme. Ça finit là. Ah, même d'ailleurs, il voulait rentrer, lui, chez les francs-maçons, ils n'ont pas voulu de lui. Quand il était plus jeune, là. Ça s'est su par sa soeur. C'est ça. Mes parents ont vendu nos héritages immobiliers pour s'acheter des choses inutiles, si seulement ils avaient, c'est ça. Ben, avant, anciennement, vous aviez la terre ancestrale, vous aviez les maisons ancestrales, vous aviez. Aujourd'hui, avec les baby boomers qui sont tombés dans une sorte de spiritualité à la von Däniken, où c'est les extraterrestres, les guides, puis les conneries orientalistes qui remplacent tout, il n'y a pas de notion de pérennité dans ces spiritualités-là où tout n'est que vacuité. C'est de la mort. Puis là, eux autres, ces baby boomers-là, ils écoutaient Jeunesse d'aujourd'hui, ça leur a complètement détruit le cerveau. Le yéyé, puis ces choses-là. Même, j'irais jusqu'en France, les baby boomers qui tripaient sur Renault, vous êtes fait détruire le cerveau par un gnochon, un imbécile. J'ai bien plus de respect pour Margaret Thatcher que pour ce gars-là, puis je déteste Margaret Thatcher. OK? Mais à mes yeux, ce monde-là, c'est rien. C'est moins que rien. Moins que rien. Ça en est, ça, des subventionnés, puis des. Oui, il y a certains talents, tout, là, oui, mais c'est des drogués, puis des hippies, puis des. C'est ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je suis pas capable. Ben, franchement, as-tu la possibilité d'avoir des alarmes numériques la nuit pour surveiller tes valeurs? Non, moi, je fais tout en temps réel. J'ai la possibilité, mais je m'en sers pas. Parce qu'il faudrait que. Faudrait que je mette ça sur le téléphone, puis je veux rien savoir. Moi, c'est sur mon portable. Puis je fais tout en temps réel, il n'y a rien d'automatisé jamais. Je ne fais pas d'ordre stop, je ne fais pas de choses comme ça. Vacuité, vacuité, infortune. Ben, c'est que si vous êtes dans une vision du monde où vous êtes que de passage, que tout n'est que, tu sais, c'est la nature, tout se transforme, rien se perd. Ah, faut laisser le cours des choses. La vie est un long fleuve tranquille. Ce genre de spiritualité puis de philosophie-là, ça mène dans le caniveau. Dans le caniveau. Collectivement comme individuellement. C'est des conneries de poètes, puis d'existentialistes, puis de conneries. C'est des mentalités qui étaient déjà en germe chez la foule, là, qui couchait avec ses élèves là, de Beauvoir et compagnie. Tous ces intellectuels-là, c'est à jeter comme de la vermine. Moi, je le vois vraiment comme ça. Moi, la grande culture, puis la culture, puis les gens là, qui sont très cultivés, là, puis tout, là. Non, il s'agit de jaser avec moi, que je peux parler de tous les sujets, n'importe quoi. Je suis spécialisé dans rien, mais de la culture, j'en ai un petit peu. Mais à mes yeux, ça n'a aucune valeur. Ça vaut rien. Ça n'a aucune valeur. La seule chose qui a de la valeur, c'est la capacité à densifier. Puis à créer une pérennité. La pérennité culturelle des chansons de Renaud, ça vaut rien, ça. Il y a rien. Même à un moment donné, il a fait un disque où il chantait Fréhel. Pour moi, Fréhel, c'est bien plus solide. Pourtant, c'est une droguée, c'est une ancienne prostituée. Hein? Mais j'aime bien mieux elle. Elle est sympathique. Mais lui, en tant que génération X post-boomer, je fais de l'allergie dès que j'entends parler des attitudes boomer. Nous devons repartir de moi. Ben, moi, je pense qu'on a été coupé des choses qu'on peut renouer avec. Faut juste revenir à la mentalité pré-yéyé, c'est ça. Ben, prenez les réelles élites, ce qu'on appelle la haute société, en guillemets, les bourgeois, puis le yéyé, c'était pas très à la mode. Puis, il n'y en a pas eu de coupure, eux autres. C'était pour la masse, ça. C'est pour les ouvriers, les Beatles. C'est pour la masse ouvrière. D'ailleurs, ça vient tout de des villes ouvrières, comme Osborne qui est mort dernièrement. C'est de la moulée pour la masse. C'est de la moulée pour les masses, ces affaires-là. Ça n'a aucune valeur. Mais quand on tombe dans la grande culture, les opéras, ballets, puis non, ça vaut pas plus, à mes yeux. Moi, jamais je mettrais d'argent là-dedans. Jamais je ferais de don à des affaires comme des conservatoires ou l'opéra. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Pas plus que je ferais de don à des affaires de maintenant, là, qui sont plus en vogue. Ce qui a de la valeur va être viable tout seul. Pas besoin d'être subventionné, pas besoin de. Les bourgeois se sont fait un devoir d'embellir les lieux publics. Puis regardez, au Québec, tous les clubs Rotary, puis les affaires de Club Optimiste, puis de Club Lyon, ils enlaidissent les parcs. Vous enlaidissez les parcs. Vous n'avez aucune notion d'urbanisme logique. C'est lettre. C'est-tu clair? Tous les parcs qui sont en ville, c'est tout Rotary. C'est lettre. C'est lettre. Vos monuments, c'est des plaques avec des commanditaires puis des noms de compagnies. C'est lettre. Vous avez des belles vues, ils mettent des panneaux avec des commanditaires pour bloquer la vue, puis le bas de parc est direct en avant. Vous êtes des caves. Toutes ces hosties d'affaires-là qui viennent des États-Unis, là, puis les fameuses élites sont toutes là-dedans dans le club optimiste. C'est de la marde. Vous enlaidissez les municipalités, puis vous, en étant dans tous les conseils municipaux, puis pour vos projets, pour vos histoires, vous empêchez les municipalités d'être prospères. Une municipalité, c'est une corporation, c'est supposé générer des revenus, pas être en déficit tout le temps. Il y a de quoi qui ne fonctionne pas. Donc, on est trahi. On est trahi par nos élites. Dans le sens qu'eux-mêmes sont trahis, ils s'auto-trahissent, dans le sens qu'ils sont dans les vapeurs, ils vivent pas dans la réalité. Ils vivent pas dans la réalité. Moi, être maire d'une ville, là, interdiction de mettre quoi que ce soit de symbole lié à un club social ou à une société de philanthropie ou quoi que ce soit qui vient, même si c'est international, ça vient des autres. Je m'en fous, je veux rien voir de ça, c'est inesthétique. Inesthétique. Toutes les conneries de Club Lyon puis de Rotary puis de Marthe, si vous voulez faire des dons pour améliorer la municipalité, vous pouvez fournir dans la cassette, ça me dérange pas. Mais vos hosties de symboles maçonneux de Marthe, vous tassez ça dans le décor. C'est laid. Vous nuisez, c'est de la pollution visuelle. Vous savez pas comment aménager des parcs comme il faut. Vous savez pas comment. Ici, la ville, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Vous avez dévisagé notre ville, qui était une des plus belles. Vous l'avez complètement rendue. Aujourd'hui, ils ont doublé le. Ils ont fait des maudits trottoirs avec des rebords en. C'est comme si on était en Californie. Ils ont doublé le budget de déneigement à cause de ça parce qu'il faut faire des détours, puis c'est 2 fois plus long. Vous êtes des imbéciles. Ben, franchement. Moi, là, je m'adresse, je le dis clairement. Tout le monde, les Rotary, les Lyons, puis ces affaires-là, vous êtes une gang de petites caves, de bourgeois, d'endormis, de mangeurs de marde, d'innocents, d'imbéciles. Vous êtes des parasites, vous nuisez aux municipalités. Vous êtes là. Oh, le développement, les chambres de commerce. Non, non, vous créez des monopoles, puis vous bloquez l'économie. Pour que, ben, vous positionnez dans des endroits où vous drainez l'énergie. Vous captez l'énergie. Vous captez les taxes municipales, vous captez les subventions pour des maudits projets irréalistes de manger une marde d'imbéciles qui n'ont jamais vécu dans la réalité de leur vie. Puis après, on se demande comment ça se fait. Bon, là, j'ai dû en manquer, mais j'étais parti sur des choses. Paraîtrait que les gens Z sont les nouveaux boomers, c'est pas étonnant, ils sont arrivés quand on légalisait le pot et absorbe tout ce qu'ils voient sur TikTok, moi, peut-être. Maman, nous, je trouve que c'est exagéré un peu. L'acuité ne rime pas forcément avec infortune. Ça dépend vers quoi elle est dirigée. Quoi? Ah ouais? Ah ouais? C'est drôle, moi, je vois un lien, carrément, entre certains types de spiritualité puis la pauvreté crasse de l'Asie du Sud-Est, par exemple. Hein? Qui envoient leurs enfants se faire taponner à la pagode par des moines pour qu'ils apprennent le thaï. Envoyez donc vos enfants dans des vraies écoles. Puis ça, toutes ces maudites robes safran-là, ça crée donc ça au vidange. Débarrassez-vous de tous ces parasites-là. C'est pas une vraie religion, de toute façon. C'est pas réel. C'est des maudites pérennités de folerie. De toute façon, c'est pas notre problème qui s'arrange. Qui s'arrange. Toutes ces maudites places-là. Comme le Népal, C'est quoi? Le Laos. Avez-vous de quoi ça a l'air, le Laos? C'est une dictature, c'était comme un communisme militaire, ouais, mais il reste que c'est quoi à la base? T'sais, l'affaire, là, les Américains, quand il y avait des bombes en trop, au lieu de les lâcher sur le Vietnam, parce qu'il n'y avait pas le choix de brûler toute leur gaz avant de revirer de bord, puis ils lâchaient ça sur le Laos, puis c'est grâce à vous autres aujourd'hui que c'est une dictature militaire, puis que c'est communiste, c'est grâce à vous autres que le Vietnam est communiste. Bravo! Bravo! Gang de cave. Maudite gang de sans-dessin. C'était pas dur d'appuyer l'Empire français, puis de laisser l'Indochine, puis de... que ça me met en colère, ça, que ça me met en colère de redonner l'indépendance à l'Algérie. Puis vous avez nui aux Algériens en faisant ça. Général de Gaulle, là. En tout cas. Ouais, bon. Les super anneaux en métal à Montréal, soi-disant que c'est de l'art, ça a coûté une fortune et c'est libre. Ben oui, c'est libre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais ben, moi, j'aime le... Parce que j'aime beaucoup les statues en bronze des affaires de même. Je suis vieux jeu. Donc, on dirait que j'en veux beaucoup plus aux idiots qu'à les appuis, qu'à l'élite elle-même. Ben, c'est normal. Moi aussi. La super anneau en métal à Montréal, soi-disant que c'est de l'or. Moi, c'est l'or, je vais de l'or. Ils m'ont flyé une couronne maçonnique, deuxième position du chat. C'est un fait tout partout. Ah oui. Amen. Ah, quoi? Leur minimalisme, ouais. Ah non, on met leur, sur Valérie Plante, là, c'est une... Avez-vous sa ville? Mets de l'argent pour faire de la répression. Tu mets de l'argent pour des matraques. Tu mets de l'argent pour des jets de sable pour enlever l'art urbain de marde. C'est pas de l'art. C'est du... C'est... Oh, faut que je fasse ça. Faut pas que je pense à ça. Faut pas que je pense à ça. Hein? Prenez, il y a des signataires du reflux global. Il y a un édifice à Montréal. Ils ont mis ça aux couleurs d'une de ses toiles. C'est d'une horreur. C'est d'une horreur. On dirait un bloc en Union soviétique en 1984. C'est ça que ça a l'air. Câlisse de tabarnak que j'ai hâte qu'ils soient tous morts. Les signataires du reflux global, le Christ, on aurait dû sacrer ça dans un cachot. Dans un cachot. On combat l'académisme. Vous êtes des médiocres qui font la promotion de la médiocrité. Je vais vous en faire de l'automatisme. Ça va être automatique, la réponse. Gang d'imbéciles. Que ça m'enrage, que ça me met en colère, qu'on est imbécile collectivement, comme peuple. C'est pour ça que je me base sur mon individu. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas de l'individualisme au sens habituel, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? En tout cas, le budget pour faire ça était pas. Au moins. La saute Tibis est tellement pauvre à un autre niveau, mais qu'il est grand là, d'aller le voir. Ben là, les Chinois sont en train de décider c'est qui va être le prochain Dalai Lama. Ils décident, ils nomment les réincarnations, eux autres, le Parti communiste chinois, sont en train de créer leur bouddhisme communiste. Qui va être leur version à eux du bouddhisme, sont en train de réécrire la Bible. Ils ont déjà réécrit leur version du christianisme. Ben, c'est pas grave. Qu'ils mangent de la merde, c'est tout. De toute façon, c'est des exécutants, puis ça fait depuis la guerre de l'opium, puis que c'est l'Angleterre qui les tient. C'est pareil, l'Inde. Il n'y a jamais eu d'indépendance de l'Inde. C'est des esclaves financiers. C'est la finance internationale qui les tient, puis c'est des judéo-britanniques qui sont en train de ça. C'est eux autres qui mènent tout. Ils mènent tout l'Inde, la Chine, tu sais, toute l'hypocrisie. Qui a financé la guerre entre les bolcheviks puis les mencheviks? C'est des agents de quel pays qui sont allés tuer Rasputin puis foutre la merde pour que les Romanov aient la révolution d'octobre? C'est l'Angleterre qui a tout fait ça. Qui a créé Israël? Qui a créé les dynasties saoudiennes? Tant qu'on comprendra pas c'est quoi notre ennemi, on est dans la merde. Je parle collectivement, individuellement, ça, pas de problème. En tout cas, que penses-tu de la mort du code du professeur Bergerie, le père du dictionnaire de la langue québécoise? Je connais pas. Ah, Bergeron. Ben, moi, j'ai eu bien de la peine quand Tessier est mort, là, l'historien Tessier, parce que c'était lui mon historien préféré de référence, à part, entre autres, le notaire Godbout. Mais le notaire Godbout, il est mort, c'est un. Mais lui, je l'avais. L'autre Tessier, je ne l'ai pas connu, lui. Je parle en personne. Ben, je le connais pas, Bergeron, mais je lis ce dictionnaire-là. Je lis ce dictionnaire-là. C'est drôle, hein, quand j'ai eu une infection au rein, il y a quelqu'un qui m'avait envoyé des extraits d'un dictionnaire de la signification des mots, là. Ben, il y a quelqu'un dans mon entourage qui a participé à la rédaction de cette espèce de dictionnaire-là des mots puis de leur signification, puis je peux vous dire que c'est juste des compilations puis qu'il n'y a rien d'empirique en arrière. Ça me fait toujours drôle de voir des pseudo-sciences que j'ai connues, leur genèse, me revenir par des naïfs. Ils vont vous en faire, moi, de la symbolique des... Hein? Moi aussi, un retour de l'art nouveau. Ça, j'aime beaucoup plus. Ah oui, l'art nouveau. Moi, ben, je déteste pas ça, là. Mais je peux pas dire que c'est ce que j'aime le plus. Ce que j'aime le plus, c'est style Second Empire. Genre Napoléon III, c'est ça que je trouve le plus beau. Ben, franchement, là. Or nouveau, les affaires comme les libellules, les motifs de libellules. J'aime beaucoup les lampes Tiffany, ceux de l'or nouveau, dans le fond. Ça, oui. Pour réparer les nids de poule aussi, ouais. Ben, premièrement, il faudrait les réparer pour vrai, je veux dire, avec une vraie mixture. Les mêmes recettes qu'en Ontario. Montréal, c'est devenu n'importe quoi. C'est devenu de plus en plus ce que c'était. Montréal, là, c'est un enclos, une enclave. Hein? Il y en a, là, sont là. Oh, le Hamas, ils servent la population comme bouclier humain, blablabla. Quand il y a eu la crise d'octobre, là, si Trudeau, il avait fait fermer l'île de Montréal, puis tout, là, puis là, il avait fait bombarder ça en disant, la population, la FLQ sert la population comme bouclier humain. Allô? On allume. Hein? C'est à un moment donné, là, ça se peut-tu. D'ailleurs, le FLQ comme le Hamas, c'est une invention, c'est une création de l'État lui-même. Un État, s'il veut avoir le contrôle total, il faut qu'il finance ses propres ennemis, entre guillemets. Hein? Ménager de grâce. Hein? Ménager de grâce, je ne coperai pas aujourd'hui, moi. Ça dépend, là, de quoi on parle, là. Ils ont du budget pour les cônes orange à Montréal, par contre, ben. Quand il y a eu, à un moment donné, ma mère, elle écoutait une émission qui s'appelle Chanteur masqué, qui a d'ailleurs été copiée aux États-Unis. Puis à un moment donné, il y avait un des personnages, c'était un cône orange. Ben, moi, je pensais que c'était Valérie Plante. Pendant ce temps-là, les Occidentaux idéalisent le bouddhisme. Ma mère a des figurines de Bouddha chez elle, je trouve ça ridicule, ben. Surtout, c'est une version du bouddhisme qui n'a aucun sens. Premièrement, le bouddhisme, il vient de l'hindouisme. Puis on entend à tort et à travers dans la culture populaire occidentale des termes comme le karma, les avatars, ces choses-là, mais ils comprennent même pas le sens des mots. C'est utilisé à tort et à travers. C'est une version occidentalisée de l'orientalisme qui n'a aucun sens. C'est n'importe quoi. C'est une version, ben c'est ça. C'est une version yéyé du bouddhisme. Pendant ce temps-là, ouais. Comment c'est possible que la déclaration de Balfour n'ait jamais discuté comme si une déclaration britannique rothschildienne ne dévoile pas ce que Israël représente? Ben, comment je pourrais dire ça? C'est probablement, pour moi, ça, c'est la manipulation du siècle. Le 20e siècle, qui est une manipulation d'un bout à l'autre, là. Mais ça, là, tout ça, là, même les monarchies, là, comme les Saoudiens, les Émirats arabes, c'est tout là. Même l'Angleterre, c'est, je veux dire, les cerveaux de la manipulation, je dis pas que les Anglais, c'est ça, mais les cerveaux sont tous formés là. Ils viennent tous de là. Ce qu'on a vécu pendant le COVID, ça venait tout d'Oxford. Même j'en ai parlé des années avant Oxford. C'est quoi? L'Institut Tavistock, ces affaires-là. Tu sais, écoute, on se laisse faire. On se laisse faire. Il y a autant de cas d'abus sexuels dans les monastères bouddhistes que dans les pensionnats amérindiens. Je suis pas certain parce que dans les monastères bouddhistes, il y a du consentement beaucoup, beaucoup de sources sûres. Des enfants pervers qui aiment ça. On m'a rapporté des affaires. Donc, imaginez, là. Je pense pas, moi, d'un pensionnat qu'il y en a qui aimaient ça tant que ça. Autant que de ce qu'on m'a rapporté, moi, des monastères. Des écoles coraniques. Des affaires de même. Aïe, aïe. C'est peut-être moins tabou dans certaines cultures, tout simplement, parce que c'est moins traumatisant pour eux autres, on dirait. Ils sont peut-être plus hypocrites aussi. Non, du coup. Oh, ce sujet, connais-tu? Yarsa Gumbu. J'ai vu un reportage sur ce champignon qui a colonisé un ver récolté en Himalaya et vendu plus cher que de l'or. C'est le cordyceps. C'est une forme, ça, dans la famille du cordyceps. Ben oui, c'est ça qui m'a guéri mes maux d'estomac. L'espèce d'élixir que j'ai fait venir, qui m'a coûté une fortune, que ça, c'est au-dessus de 400 dollars la bouteille, c'est à cause de ça qui est cher. Parce qu'il y en a dedans. Donc, c'est une forme de cordyceps. Oui, il parasite le système nerveux de la chenille. C'est que quand les spores du champignon redescendent, souvent, ils sont trop bas pour que le champignon pousse, puis il n'est pas à une altitude où il peut se reproduire. Donc, le champignon va parasiter le corps d'une chenille. Il va prendre le contrôle de son système nerveux, prendre le contrôle du corps de la chenille pour qu'elle monte. Elle monte en altitude. Puis, une fois qu'elle est à une hauteur où le champignon peut libérer ses spores, la chenille meurt. Le cordyceps sort de la chenille par la tête. Puis là, il émet ses spores qui redescendent plus bas, puis le processus recommence, puis recommence. Puis c'est impossible à créer, à recréer en captivité, ça. C'est pour ça que c'est tellement cher, il faut les trouver un par un. Faut, comme la, moi, ce qui a l'affaire, mes brûlements d'estomac, le médicament que j'avais fait venir, qui m'avait coûté une fortune, il y en a pas mal dedans. C'est pour ça le prix. Mais c'est 35 ingrédients et plus qui sont macérés ensemble. C'est des Chinois qui ont fui la Chine sous Mao puis qui se sont réfugiés en Thaïlande qui le fabriquent. Cette espèce d'élixir-là, mais ça m'a guéri mes brûlements d'estomac. Moi, ce qu'un médecin chinois m'avait expliqué, c'est que le pH de mon corps était déréglé, que mon système, l'harmonie était défaite. C'est lui qui m'a aligné vers ça. J'étais sceptique. En plus, ça dit, les recommandations, ça dit, ça peut causer des maux de tête au début. Puis souvent, on voit ça chez des charlatans pour vendre un produit. Ils disent, oh, ça peut causer des, ils vont mettre des effets secondaires, justement, parce que ça aide à convaincre qu'il y a un effet. Donc, je croyais plus ou moins que ça allait me causer des maux de tête. J'ai eu des migraines de l'enfer. Les premiers temps que j'ai pris ça. C'était pas psychosomatique, là. C'était, parce que c'est possiblement, entre autres, au début, un vasoconstricteur. Ça goûte tellement mauvais. C'est, mais c'est de la chenille pourrie, tu sais, je veux dire. Ça peut pas être bon. Jamais entendu parler du bolchevisme à l'école, mais j'ai entendu parler de la Révolution française racontée sur un ton comme quoi c'était si beau. Ben oui, puis c'est une des pires choses, c'est une des pires horreurs de l'histoire de l'Europe. C'est ce qui a précédé le nazisme d'une certaine façon, quelque part. Qui a précédé, ça annonce les horreurs du 20e siècle. Les massacres, puis ça annonce une vision d'éleveur de bétail de la face. Alors qu'anciennement, les rois étaient considérés comme leur principal devoir était le bonheur de leur peuple, puis ils se considéraient comme responsables devant Dieu. Prenez même un personnage détestable comme Louis XIV, il reste qu'il est très très croyant. Surtout à la fin, là, avec Madame de Maintenon. Bon, des faces de carême. Mais il reste que. Ouais, c'est ça. Un enfant n'a pas la maturité affective pour donner un consentement éclairé. Ça dépend de quel âge on parle. Non, mais je vous dis que ça existe. Je vous dis que ça existe. Il y en a qui se laissent faire, puis tout, plus tard, peut-être qu'ils peuvent en souffrir, puis tout, parce qu'ils comprenaient pas tout. Puis mais il reste que ça existe, là. Que vous le vouliez ou pas. Je dis pas son consentant au sens juste éclairé comme un adulte. Ce que je vous dis, c'est qu'ils prennent le pli. C'est de la mauvaise éducation. On transmet des tares. C'est ça que je dis. Ils vont reproduire un comportement. Je dis pas que ils sont totalement lucides, là, au contraire. Au contraire. Donc, mais moi, ce que je vous dis, c'est que les monastères, peu importe lesquels, c'est de la merde. Bon, OK, moine, ça vient de monos, ça veut dire seul. Avant, il y avait les anachorètes, il y avait des cénobites, des anachorètes. Monos, ça veut dire seul. Là, c'est devenu des monastères. Mais oui, mais les moniales puis les moines, ils sont supposés être seuls. C'était des ermites au début. Berthold qui a fondé le monastère du Mont-Carmel, puis tout, c'était pas un moine en communauté. Au début, c'était un ermite. Il était seul. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, ils sont tout en gang. Là, à un moment donné, Paracelse s'y était appelé dans un monastère parce que tous les moines étaient malades. Ça n'a pas été long qu'il a compris pourquoi. C'était vénérien. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui, c'est pour ça, la vie normale, genre, une vie normale, il n'est pas bon de ne pas avoir une vie normale. Mais être mal accompagné, c'est pire. Je veux dire, vous mettez une bande de pareils ensemble, c'est pire que s'ils sont seuls. En tout cas. Cordyceps, ok. Je dois récolter entre autre du maïtake cet automne. Est-ce que ce champignon est exclusivement réservé aux infusions? Peut-il être mangé? Le cordyceps, il peut être. La plupart du temps, il faut le ramollir avec de l'eau chaude. De toute façon, moi, je l'ai jamais vu sous autre forme que ça, mais il y a de la poudre qui se vend. Mais j'ai pas confiance. Il y a un cordyceps, il y a une sorte de cordyceps. Le cordyceps commun, il se développe pas sur le corps d'une chenille, il se développe tout seul, un peu partout. Mais c'est pas ce champignon-là qu'il faut prendre. Puis quand il y a de la poudre de cordyceps qui est à vendre sur Internet, par exemple, c'est souvent ce champignon-là qui vient pas d'un parasitage du corps d'une chenille. C'est le cordyceps commun, si on peut dire. De toute façon, j'achète jamais rien en poudre parce que j'ai pas confiance. Quand vous voulez des cordyceps, le vrai, là, vous allez dans le quartier chinois, puis c'est dans des petites fioles de verre, ils sont mis un par un dedans, puis c'est dans des boîtes en acajou souvent qui sont toutes placées, puis c'est autour de. Ben, ça joue dans les 400 à 500 $ pour quelques-uns. C'est très cher. Mais bien franchement, c'est pas pour rien que c'est cher. Hein? Donc, la compote de pommes contre les brûlements, c'est passé toujours à recommencer, tandis que moi, ce que j'ai pris, ça l'a arrêté d'une façon totale et absolue, puis ça n'a plus jamais revenu. C'est plus revenu. Donc, les enfants agissent par mimétisme, et voilà. C'est pour ça que j'ai de la misère, moi, avec les Thaïlandais qui envoient leurs enfants à la pagode. Surtout quand ils auraient les moyens de les faire éduquer dans des vraies écoles. Pas de la difficulté avec ça. Quoique, même dans les vraies écoles, c'est pas exempt d'abus, là. Donc, le mieux, des fois, c'est peut-être un précepteur privé, mais là, c'est pas tout le monde qui a les moyens de faire ça. Il faut vraiment faire partie d'une élite, parce qu'après, quand vient le temps de venir sur le marché du travail, précepteur privé, c'est pas fort, là. Ça va pas être vu comme un très... Bon, hein, c'est pas... Bon, c'est ça, aucune importance sur le bolchevisme, mais c'était sûrement identique et même plus sanglant. Juste la manière qu'ils ont tué le tsar et sa famille, c'est drôle, hein, parce que la façon que c'est décrit, ça, ce qui est arrivé, que les Romanov ont, de la façon qu'ils ont été tués, puis de la façon que c'est reproduit dans les films. À un moment donné, j'étais à Montréal chez une amie, puis j'étais entre la veille et le sommeil, j'étais couché, puis je pense avoir assisté à l'exécution des Romanov. Puis, ça concorde pas. Moi, ce que j'ai vu dans cette espèce de rêve éveillé-là, ça concorde pas avec l'histoire officielle. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'ils leur ont dit, on va descendre à la cave parce qu'il faut prendre une photo. On va prendre une photo de toute la famille parce qu'il faut qu'on prouve que vous êtes encore en vie. Au niveau international, il y a trop de... Fait que là, ils ont demandé aux Romanov de descendre à la cave, puis ils ont aligné sur le mur, soi-disant pour prendre la photo, mais à l'époque, c'était, vous savez, c'était des appareils avec un tissu par-dessus, puis un flash au magnésium. Puis moi, ce que j'ai vu, c'est que quand ils ont enlevé le tissu, c'était une mitrailleuse à manivelle. Il y avait, j'ai pas, j'ai, dans la vision que j'ai eue, c'est ça, moi, que j'ai vu. Mais tu peux pas me fier sur ça, c'est une sorte de rêve éveillé, c'est une sorte de vision que j'ai eue, mais moi, c'est ça que j'ai vu. Comme quoi, il leur aurait dit, on va prendre une photo, mais quand ils ont l'appareil photographique cachait une mitrailleuse à manivelle, puis il aurait été mitraillé, c'est possible aussi, vous savez, sur pivot pour faire comme ça, là. Puis c'est possible qu'il y ait eu des armes de poing aussi. Mais reste, moi, c'est ça que j'ai vu. Je parle dans mon, c'est pas fiable, là, je veux dire, on n'est pas pour commencer à définir des réalités historiques par canalisation. Mais il reste que j'ai fait cette espèce de rêve éveillé-là, puis je le trouve plausible. Je le trouve plausible. Donc, c'est ça, je vous laisse. Bonne journée. Ben, bonjour, Julie. Moi aussi, je dois quitter. Je fais des maux de tête, là. Ce que tu as vu par canalisation, c'est sûr que c'est ça, à mon avis. Moi, je suis pas sûr à 100%. Je me fie jamais à 100%. Mais ça m'a été très frappant. J'ai tenté la veille et le sommeil, puis ça a duré quelques secondes d'avoir vu ça. C'est comme des micro-rêves. Puis oui, c'est ça, ils étaient tout alignés sur un mur. Puis ils ont dit, bon, on va prendre la... Puis ils ont enlevé le système mitrailleuse. Donc, mais il reste au niveau de comment ça fonctionne en Russie. Puis même après autant de temps, c'est difficile de... Ils vont pas nécessairement nous dire la vérité, hein. Donc, les sujets des agressions sexuelles avec les prêtres catholiques est le sujet favori des modernistes. Mais osent-ils parler du même sujet pour le judaïsme? L'affaire, là, c'est prenez les écoles publiques en France, là, l'éducation nationale, il y a autant d'abus. Le problème, ça n'a rien à voir avec la religion catholique. C'est de partout où il y a des adultes en autorité, il y a des abuseurs qui vont là. Que ça soit, donc, beaucoup qui sont professeurs, beaucoup qui sont coachs de sport, beaucoup qui sont, peu importe, là. Alors, ils vont chercher une position d'autorité sur des mineurs. Donc, ils vont aller là où il y a la possibilité. Donc, même si vous enlevez l'éducation dans les mains de l'Église catholique, puis vous la mettez dans les mains de l'éducation nationale, la seule différence, c'est que vos enfants, au lieu d'être abusés par des prêtres, vont être abusés par des instituteurs, par des travailleurs sociaux, par des psychoéducateurs, par des pédopsychiatres, des pédiatres. Donc, ça change rien. Ça n'a rien à voir avec la religion, dans le fond. Puis, je suis tanné de voir dans le Journal de Montréal, dès qu'il est question d'abus, l'image qu'on nous met, l'image générique qu'on met, c'est un crucifix. Comme pour que dans l'inconscient, on associe ça, là. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Ben, franchement, là. Donc, t'as vu ça, Bertolt, c'est ça qui s'est passé. J'ai vu un docu qui décrit littéralement le même événement que. Ah oui, c'est possible. Moi, ce que je sais, c'est que l'histoire officielle, c'est qu'il y avait des armes de poing qui ont sorti, puis ils leur ont tiré dessus, là. Et voilà, mais l'homme adore se jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, la religion entière est blâmée. Oui, mais on est en train de tomber dans une religion laïcarde républicaine, que c'est eux autres qui ont massacré les Vendéens dans une grotte, là, des femmes, des enfants, des... Prenez le communisme, il est athée, ils font des massacres pareils. Regardez les Khmers rouges. Il étudiait où, Pol Pot? Hein? Il étudiait où? À Paris. À Paris. Il étudiait où, Kim Jong-un? En Suisse. En Suisse. Ils ont étudié où, le trois quarts des pourris? À Londres. À Londres. Nous formons des gens qu'on s'en sert comme prétexte ensuite. Nous esclavagisons des peuples que nous génocidons en formant leurs bourreaux. Toujours. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Donc, que Kim Jong-il ait envoyé son fils, que certains disent que c'est son frère, étudier en Suisse, c'est tout à fait normal. C'était sous prétexte d'une photo de famille. Oui, ça, oui. Mais l'affaire de la mitrailleuse. Bon rétablissement, Bertol. À bientôt. Au revoir à tous. Ah, ben, merci beaucoup. Oui, ben, moi aussi, je dois quitter. Je commence à avoir mal à la tête. Je dois avoir les yeux fatigués. Mais je regarde des écrans toute la semaine. Je fais pas grand-chose d'autre, là. Ben, franchement, ces temps-ci, depuis plus de 2 mois, là, que je fais rien d'autre, presque. C'est pour ça que je vous dis, je sais pas comment j'ai pu attraper la grippe. Bien, franchement. C'est un mystère. Possiblement que j'avais le système immunitaire affaibli par la fatigue, le surmenage. Parce que oui, c'est vrai, j'ai réussi à traverser ça. Je me rends à 114% de rendement. Mais ça a été au prix de. Ça a été au prix de beaucoup, beaucoup, beaucoup de fatigue, d'efforts, puis de. Dans le hamac, congé annuel, bon week-end. Ah oui. Non, oui, les hamacs. Je suis pas. Je trouve qu'on se tient pas assez en disant, hey, Bertel va prendre un peu de soleil. Non, j'ai des affaires jusqu'à aujourd'hui, je sors pas. De toute façon, je suis malade. Non, j'en prends du soleil pareil, je vais dans mon jardin. Je prends pas moins de soleil que d'habitude. OK, Francis. Masquer l'utilisateur sur cette chaîne. T'as pas d'affaires ici, toi. T'es supposé avoir coupé avec Bertrol. T'as pas d'affaires ici. T'es pas le bienvenu. Tiens-toi un peu de fierté, puis tiens-toi loin, puis viens pas m'écœurer. Toi, t'es barré à vie. À vie pour quelques mois. C'est une question d'humeur aussi. Ben, voyons comment que. Man beyond shape, il sait. Genre, je pose pas définitif, là, mais non, non, viens pas m'achaler, c'est pas le temps. Écœure-moi plus. Viens pas jusqu'ici, toi, moi. Fais ce que tu veux de ton bord, dis ce que tu veux de ton bord, m'achale-moi pas. Non, je suis pas rancunier à vie. Je suis pas rancunier à vie, mais je suis rancunier. Puis pas à peu près. Pas à peu près. Surtout quand on reprend des faussetés, là. Toi, là, mon petit comique, là, tu vas. Ça m'attend, là, que tu viens me faire des diagnostics en privé, là, que moi, je le sais que c'est toujours du blabla. Ben, vous êtes des matantes Facebook, vous autres, d'ailleurs, il était barré, l'autre, Franck Radiolab, là, parce qu'il y a des mauvaises fréquentations. Ça, c'est toi. C'est toi, puis l'autre, là. Qui ça, l'autre, là? Le saltimbanque qui verge sur des valises quand c'est la Saint-Jean-Baptiste, on n'a pas besoin de tes sites. Merci, bonsoir. Donc, c'est ça qui est ça. Au revoir, bonne journée à tous.